Ouais, j'attendais juste de faire Enter parce que j'ai écrit on est live dans le share. Okay. Enter, enter, enter. Parce que j'avais rien d'autre à dire que c'est jeudi, on est live. Ouais, là, l'inspiration n'y était pas. Non, pas de... Oh, oh. Nous sommes le jeudi 25 octobre 2018. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 213. Je suis Narf. Et je suis Anne-Marie. Et j'ai comme oublié, j'étais comme... Oh, vous écoutez l'épisode 213. Silence douteux. Oh non, c'est vrai, c'est à moi encore. C'est moi encore qu'il faut qu'il parle. Hey, on vient de réaliser... 4 minutes avant le début de l'émission, que c'est la dernière émission qu'on fait avant l'Halloween. Ben donc, ouais. C'est notre spécial Halloween! Qu'on a peut-être des choses d'Halloween à parler de, mais peut-être pas, parce que comme d'habitude, on fait... On est full prêt. On est tout le temps en retard pour ça. C'était-tu l'année passée qu'on avait fait notre émission d'Halloween, genre le 2 novembre? Je me rappelle pas, on avait-tu fait une? C'est notre genre, je trouve. OK. Ça serait bien notre genre. Là, avant de commencer l'émission... Ben, avant de commencer. On est commencé, mais avant de commencer, il y a des choses importantes qu'on veut dire. Des choses importantes sous forme d'événements. L'Halloween étant un de ces événements, le 31 octobre. Et ça, vous le savez. L'affaire, c'est qu'il y a aussi d'autres événements cool qui s'en viennent en novembre à Montréal. Mm-hmm. Puis ben... On veut les plugger. Alors, Anne-Marie, je t'ai invitée, mais là, tu peux pas venir. Ça non. Ça me rend très triste. Au Gamerella. Désolée. Le Gamerella, c'est un game jam qui a lieu à l'Université Concordia et qui encourage... les femmes et autres personnes de minorités diverses. Je pourrais tous les nommer, là, genre, tous les nommer. Il y en a vraiment beaucoup. Les 72 minorités. Mais je vais pas le faire. Mais tous les minorités, ils sont tous là. Ils sont tous invités à faire des jeux vidéo, à faire un game jam, un petit jeu vidéo en 2 jours, le 10 et le 11 novembre. Ça a l'air full chill. Ah, c'est le game... Ah, c'est mon game jam préféré. C'est le game jam le plus chill du monde. J'aime pas les game jams compétitifs. J'aime pas les game jams où il y a des prix puis des juges qui vont dire comme genre « Ah, oh, le jeu qu'on a trouvé le plus cool, c'est tel. Mm. » Puis là, t'as des prix, puis... Tu sais, c'est comme... Ça met de la pression. Puis là, puis les gens se sentent obligés ou juste comme ils sont motivés. Fait que là, ils sont comme « Ouais! » On va faire des nuits blanches, ouais, puis ouais. On dort pas, ou on dort en dessous de nos bureaux parce qu'on est viril, et c'est comme on est des vikings qui vont triompher de l'absence de sommeil, comme si c'était un défi, comme si ça allait rendre le jeu meilleur. Mais tout ce que ça fait, c'est que rendu au dimanche, ils ont l'air des zombies, puis ils puent. Il faut peut-être travailler le lundi matin. Pis là, t'es comme genre, dude. Va te coucher, va-t'en chez vous. Non, je dois finir. Puis là, tu regardes leur bureau, puis c'est rempli de cannes d'Energy Drink. Oh. Et je les juge secrètement. Mais Gamerella, il n'y a rien de ça. D'abord parce que le jam commence le samedi matin, donc déjà, t'as une journée de moins. Là, t'as pas le vendredi. Puis, l'Université Concordia sont comme plus ou moins à l'aise à avoir du monde qui dorme là. Fait que le deal, c'est que rendu à genre 10-11 heures, tout le monde dehors, allez vous coucher, revenez demain. Fait que tu ne peux pas, ben tu peux cruncher, tu peux ouais, ne pas chez dormir vous, chez vous, mais là, rendu à chez vous, mais... fait que c'est comme genre, m'aller me coucher, ouais. Je vais aller prendre ma douche. Il y a peut-être du monde qui continue à... à programmer rendu chez eux. Peut-être un peu, mais pas tant. Fait que, tu sais, donc, outre ce que ce Game Jam n'est pas, ce Game Jam est aussi des choses cool. D'habitude, je sais pas si ça va être le cas cette année, mais l'année passée, il y avait une cabane en coussin. Oh. Il y avait des vidéos de chats sur le projecteur, 24 heures sur 24, ben pas 24 heures sur 24, mais genre durant toute la journée. Je pense qu'ils mettaient des live streams de chats. Oh my god, c'est ça que je vais dire, c'est quelqu'un qui doit curate genre des vidéos de chats, là. Quelqu'un qui doit faire une sélection. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils encouragent les gens, ou tu sais, ils acceptent, ou même ils encouragent les gens à venir comme en pyjama, ou en suit de... Il y en a qui viennent en suit. Comment t'appelles ça, là, les suits? C'est comme tout un gros suit, c'est comme un pyjama. Ah, un kigurumi. Un comment? Un kigurumi. Peut-être. C'est japonais. Comme un animal? Oui. Ouais, c'est ça. Ça vient avec une capuche, là, qui est comme la tête de l'animal, puis c'est comme un jumpsuit, là. Ouais. Oui, c'est ça. Ma soeur en a eu un. Ouais, mais je risque de mettre ça à l'Halloween cette année aussi, parce que je suis lâche. J'ai pas le temps de préparer de quoi. Alors, ça ressemble à ça. Alors, à chaque année, il y a au moins une personne qui porte ça. C'est toujours très cool. C'est sûr, parce que quand t'en as un, t'as pas tout le temps des occasions pour le mettre, tu sais. Ben, hein. Il y a une année, il y a quelqu'un qui avait amené un chaton dans une boîte. Oh! Il l'a caché, genre. Je peux-tu dire qu'on n'a pas travaillé beaucoup cette année-là? On faisait juste jouer avec le chaton. Oh. Avec des petits morceaux de papier. Puis là, le chaton était comme... C'est clair. La dernière journée, le chaton, il était dans la boîte puis il dormait dur. Il voulait plus rien savoir. C'est comme, je suis épuisé, je dors. Quelqu'un devrait faire ça dans un game jam compétitif. Parce que là, ça va vraiment déranger, genre, ta compétition. Ah non, mais il n'y a personne qui fait ça dans un game jam compétitif, parce que dans les game jam compétitifs, c'est tous des gars qui sont comme genre... Regarde toutes les cannes d'Energy Drink que j'ai bu, yeah! Puis c'est comme, oh non, non. Alors c'est ça, c'est Gamerella, c'est faire un jeu en deux jours, c'est mon game jam préféré. Nice. C'est à Concordia. J'espère qu'il reste encore des billets, j'ai pas checké. Et c'est ça, ça. Alors, si vous êtes ou vous connaissez des gens de diverses minorités, handicapés, de races diverses, on peut-tu dire ça, dire des races? C'est pas... D'ethnie diversifiée. D'ethnie, c'est bien mieux comme mot. Ouais, je sais pas si c'est tant mieux. Diversifiée. Hommes, femmes, gays, lesbiennes, trans, tous ces gens sont les bienvenus. C'est accessible en chaise, pour les chaises roulantes. Ils ont pensé... Ils ont pensé à tout. Damn. Ils ont pensé à tout. T'es pauvre, t'as pas d'argent, t'as pas de laptop. Tu peux t'inscrire puis dire, genre, si vous avez un laptop, puis d'habitude, ils réussissent à t'en trouver un. Ah ouais, damn. Yeah. Ils sont cool de même. Bon, ça sera probablement pas la machine du siècle, mais c'est trop cool. Puis là... Pour vous préparer, parce que là, c'est faire un premier jeu, c'est pas facile d'arriver à faire un jeu en deux jours. Ils font des ateliers pour te préparer durant tout le mois d'octobre et de novembre. Oh, il y en a-tu un ce soir? Non, mais demain. Ça commence demain. Il y a plein d'ateliers qui couvrent différents sujets pour te... Si ça te tente d'apprendre comment faire des affaires pour faire des jeux vidéo. Alors, je vais tous les lire. Ils ont tous lieu au Tag Research Center. C'est à Concordia. C'est un groupe de recherche, mais c'est eux qui organisent Gamerella, puis ils font plein d'événements tout le temps. C'est super. J'avais-tu parlé de ce que j'ai fait cet été là, en août avec les étudiants chinois? Je n'ai-tu parlé au podcast? Non, ça me dit rien, ça. J'ai pas parlé de ça. C'était Critical Hit, Parallax. On a fait des jeux pendant deux semaines avec des étudiants chinois. C'était malade. Pour vrai? Ouais. Cool. C'était le Tag Lab qui organisait ça. Alors, je vais tous les lire, les événements pour se préparer au Game Jam. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller à toutes. Là. Il fallait juste un si ça vous tente. Donc, Game Jam 101, c'est introduction à comment organiser, comment ça marche des Game Jam et comment organiser son temps pour bien réussir. Mm. Parce qu'évidemment, tu peux aller à un Game Jam et faire comme, on va essayer quelque chose. Puis là, ça va. Si c'est ton premier Game Jam, ça va probablement foirer, mais c'est pas grave. C'est drôle. Puis les gens, ils vont jouer. Puis tu vas réussir à quand même faire de quoi. Puis c'est cool. Alors, Game Jam 101, c'est le 26 octobre, demain, à 5h30. Ensuite, le 27 octobre, il y a Pixel Art Workshop pour apprendre à faire du pixel art. C'est le 27. C'est le lendemain. C'est samedi à 14h. Ouh, c'est dans la journée. Ensuite, Controller DIY, fabriquer sa propre manette avec Makey Makey. Oh shit! C'est le 29 octobre. Ah, oh, Makey Makey, j'en ai un. C'est vraiment cool. Non, ben, oui puis non. Là, tu peux. C'est un gugu que tu branches dans ton ordi, c'est USB. Puis ton ordi, okay. Il fait. Ah, oh, t'as branché un clavier. Mm. Mais là, tu plugues des affaires dans le Makey Makey, genre des bananes, des fruits, des plantes. Ah. Tu peux tenir les fils dans tes mains puis là, faire des high-fives aux gens. Puis là, le high-five devient un bouton. OK. Tu peux faire n'importe quoi et ça devient des boutons. C'est bien cool. Et j'avais utilisé ça pour faire mon jeu Fishing Game with Actual Water. et qui, comme son nom l'indique, utilisait des bols d'eau. 6 pour être exact. Et oh, ça oui, se flouchait de l'eau partout parce qu'il fallait que tu tapes dans l'eau pour attraper les poissons. Fait que le Makey Makey, il est, voyons, hydro... il est résistant à l'eau. Oh, j'ai mis des plastiques, là. OK. Ça marchait, là. Pose pas trop de questions. Fait que ça, c'était... Donc, DIY Controller, le 29 octobre. Ensuite, faire des jeux 2D avec Construct. Oh, j'adore Construct. C'est mon game engine préféré. Tu peux faire des affaires 40. C'est super puissant, mais c'est dead easy. J'enseignais ça dans les bibliothèques aux enfants. Ils faisaient des jeux. C'est comme des game engines qui sont à la fois super faciles, mais super puissants, que tu peux faire tout ce que tu veux, qu'il n'y a pas comme de limitation parce que c'est supposé être facile. J'en connais pas beaucoup. Construct, le 30 octobre. C'est un mardi à 17h30. Ensuite, un atelier sur la Interactive Narratives. Comment on dirait ça? Les aventures narratives interactives. Ouais. Des histoires textes interactives. Je vous regarde l'image, ça a l'air d'être avec Twine. Twine est aussi très cool. Si tu sais pas faire des jeux, mais que t'es capable d'utiliser un browser pour aller sur Facebook. Créer. Ben, guess what? T'es capable de faire des jeux en Twine. Mm-hmm. Boom! Quand les gens disent « Oui, mais je suis pas capable de faire des jeux vidéo. » J'ai fait un jeu Twine avec ma mère à la fête des mères. Il avait fait un game jam fête des mères. J'avais amené ma mère et ma sœur et on avait fait un jeu. Oh. Et donc, le Interactive Narrative Workshop, c'est le 6 novembre à 17h30. Ensuite, DIY 3D Graphic, pour faire du 3D. Ça a l'air d'être en voxel, donc un peu comme... Ben, c'est comme des pixels cubiques. Minecraft? Ouais, mais je regarde l'image, puis c'est comme bien plus beau que Minecraft. OK. Ouais. Ça, c'est le 7 novembre. Et finalement, le 10 novembre, ben, c'est le Game Jam qui commence. Nice. Le 10 et 11... Vous avez fait tout ça, vous allez être prêts en 6 balles. 10 et 11, c'est... Ouais, c'est ça, c'est samedi puis dimanche. Yes. Fait que ça, c'est les événements du Tag Lab. Mais là, il y a d'autres événements aussi qui s'en viennent. Que je vais être. Ah! Il y a le Maker Faire. Ça, c'est le 16 et 17, le vendredi 16 et le samedi 17. Ça, c'est une exposition, je sais pas comment dire. C'est genre, moi, j'y vais, puis je présente mon Lightbot. J'amène Light Game, puis Lightbot. Okay. Yeah! Fait que... C'est plus comme une expo. Ouais. Ben, les gens, c'est comme pour des créateurs de patentes. Puis okay. pour des patenteux. Parce que c'est le maker fair, mais c'est faire, comme le verbe faire en français. Ouais. Un jeu de mots. C'est comme un mouvement pour des gens qui aiment patenter des affaires. Fait que c'est soit patenter du code, puis genre apprendre à connecter des affaires weird, ou il y en a qui font de la robotique, des trucs bizarres, il y en a qui amènent leur machine d'imprimante 3D. J'ai juste comme scrollé sur leur site web les images, puis j'ai fait comme « Wow, il y a de l'air d'avoir plein d'affaires weird puis drôles, puis le fun. » Ah, ça doit être malade. Fait que moi, je vais être là pour présenter Light Game et Lightbot. J'espère que je vais pouvoir avoir du temps pour aller regarder toutes les autres affaires. Et finalement, un autre événement, le 24 novembre, c'est dans un petit bout, mais les inscriptions sont déjà ouvertes. C'est la semaine d'après, là. Ouais, non. C'est tout back-à-back. Il y a Heroes Tcade. Ça, c'est probablement mon expo préféré. J'ai beaucoup de trucs préférés. Ouais, hein? C'est organisé par les Pixels. Mais c'est quoi? C'est un Tcade. Alors, c'est un événement qui se veut à la... Tu sais, en jeu vidéo, là, les gens, ils font tout le temps des 5 à 7 avec de la bière. OK. Puis... Ben, il y a des gens dans la vie qui n'aiment pas se boire, qui n'aiment pas se tenir avec des gens qui boivent. Mm-hmm. Parce que c'est intimidant. Et parce que, ben, des gars sous, ça dit des choses louches des fois. Ouais, c'est pas la chose la plus inclusive, là. Alors, pour contrebalancer ça, les Pixels organisent des événements de thé. Oh. Et donc, là, c'est une expo. Il va y avoir comme 5 ou 10 jeux. Je me suis aveuglément inscrit selon ce que c'était l'année passée. Alors, j'ai sérieusement aucune idée de qu'est-ce qu'ils vont faire de spécial cette année. Mais les années passées, il y avait comme une coupe de jeux, le monde jase, tu bois du thé, tu manges des biscuits. Puis genre, yeah! Puis je pense que c'est gratuit en plus. Oh, c'est bien cool. Puis ils t'encouragent à amener ta tasse parce que c'est pour sauver la planète. Mais ils disent... Let's be real, c'est parce qu'on veut voir vos tasses cool. Oh. Faut que t'amènes... C'est une occasion pour ta sortir... Ta best tasse. Ta meilleure tasse. Cute et cool. Est-ce que qui a pas une tasse geek ou... T'sais? Et l'événement, il encourage les gens qui ont des enfants, puis... ou les gens qui veulent se déguiser, se costumer. Ils sont tous ouverts à ça. Et ils ont une politique d'espace sécuritaire bien stricte, alors c'est très, comment dire, très, ben, sécuritaire. Mm-hmm. Ils prennent ça très au sérieux. Alors, encore une fois, si vous voulez amener des femmes, votre mère, votre fille, pour voir d'autres filles et d'autres personnes de minorité, ben, c'est une belle occasion. C'est toujours très cool. Fait que ouais. On peut se procurer des billets, par exemple, donc j'imagine que c'est limité. Mais c'est gratuit. Ouais, c'est ça. C'est gratuit. Je sais pas si c'est si limité que ça. Non, je sais pas. Je vois juste que sur l'event, là, il y a le bouton billet. Puis là, j'essaie de voir. Mais... Ouais. Puis faites pas la même erreur que j'ai faite l'année passée de penser que ça durait comme genre toute la journée. Ça dure pas si longtemps que ça. Fait qu'arrivez pas comme 2 heures en retard. Ah, c'est de 2 à 6. Ouais. Yeah. Ah, ben tu vois, c'est plus long. Je pense que l'année passée, c'était comme de 2 à 4. Tu sais, c'était vraiment court. Ou de 2 à 5. Puis j'étais arrivé comme à moitié. Je l'ai un peu regretté. Alors, cette année, je vais faire bien attention d'arriver à l'heure pour jouer. Ça dépend qu'est-ce que tu veux voir aussi, parce que là, de 2 à 3, il y a 8 mini-présentations. Oui, c'est nouveau ça cette année. Ils veulent faire des micro-présentations. 8 en 1 heure, ça veut dire combien de minutes? Chaque présentation, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas tant, là. C'est 7 minutes et demie. Divisé par 60. Non, c'est 60 divisé par 8. Non, t'as 17 minutes et demie. Ouais. Calcul. C'est correct. Le temps de switcher de présentateur, c'est moins que 7 minutes par personne. Yeah, ça doit être 5 minutes chaque. Genre. J'étais déjà allé à... Il y avait des événements comme ça. Il y en avait eu un au MIGS. Comme l'événement de clôture, c'était comme une heure de micro-talk de 5 minutes, comme ça. Puis MRGS en avait organisé un aussi. Puis c'était vraiment cool parce que, ben, faut que la personne elle rentre dans son sujet vraiment vite, elle présente son idée. Puis tu sais, t'as même pas vraiment le temps de t'ennuyer, de faire comme « Ah, je serais pas allé à cette présentation-là, c'est pas vraiment mon genre, que c'est déjà fini. » Fait que tu fais comme « Ah, oh, bon, ben c'est pas grave. » Fait que tu sais, ça... Puis autres, ça doit les habituer. Les autres, ça doit les habituer à faire des pitch marketing aussi, là. Oui, ben. Quand tu vas d'une présentation, puis tu sais, faut que tu fasses un pitch, là, faut pas que tu t'étendes, puis il faut que tu viennes directement dans le vif du sujet, là. Yeah. Ben, c'est pas des pitchs, genre, pour. Genre, je veux te vendre mon jeu, là. Ouais, non, non, c'est, mais. C'est genre comme. J'ai un sujet que je veux discuter. Il y a un sujet qui me passionne et je veux en parler pendant 5 minutes, tu sais. Mm-hmm. Où j'ai un message à passer. Il y avait une année, il y a un gars que je vois tout le temps au MRGS puis à tous les événements, il s'appelle Osama. Il travaille comme prof, je pense, au Collège Dawson, dans le programme de jeux vidéo indépendants. OK. Et jeux vidéo. Puis il est toujours très cool. Puis ça fait plusieurs fois qu'il donne ce même micro-talk-là. Je pense que là, en fait, l'année passée, il l'a élargi en une full présentation, mais son sujet, c'était genre comme la représentation des Arabes puis de la religion islamique dans les jeux. Puis il disait comme « Guys, c'est un peu ridicule, là. Hey boy. Vous écrivez n'importe quoi, n'importe comment. » Les Arabes des jeux vidéo, c'est les antagonistes dans Call of Duty, là. Yeah! Puis là, il dit, genre, voici c'est quoi ma culture. Puis là, il te montre des photos de sa famille. Tout le monde, c'est des gens gentils. Osama, c'est comme le gars le plus gentil que tu peux t'imaginer. Il est tellement fin! Comme... Puis là, il dit, genre, mais comme vous pensez qu'on est comme ça? Puis c'est comme, mais non! Genre, puis là, il te montre, genre, « Ah, regardez, moi, j'ai grandi là, je mangeais ça, puis quand... » Puis c'est trop cool. Mm. Je suis toujours content quand il parle de ça. Parce que ça t'oblige à faire comme, genre, à arrêter de penser à ça. Parce que tous les médias... Qu'est-ce que Annie, elle écoutait l'autre fois? Elle écoutait une affaire de... C'était une affaire genre de président, là. C'était comme la Maison-Blanche avec des présidents puis des vice-présidents qui se parlent, là, puis comme de politique. C'est une fiction, là. C'est une télésérie de fiction. OK. Puis il y avait un méchant, puis c'était comme un terroriste arabe. C'était comme, oh my God, mais tu peux-tu être plus cliché? Genre, il y a le turban, la barbe, puis la mitraillette. Puis comme, il était filmé comme en avec une lentille gros angle pour comme déformer son visage pour qu'il ait de l'air menaçant dans une caméra, genre une caméra de sécurité. Et puis là, c'est comme, on est supposé d'avoir peur de lui. Puis j'étais comme, c'est tellement niaiseux! C'est tellement niaiseux! C'est tellement comme le stéréotype du gros méchant loup pour que les Américains y aient peur. Puis là, le président pouvait faire comme, ah, oh, je suis le héros. Ouais, c'est ça. C'est parce que ça fait vraiment des années que ça fonctionne de même, les États-Unis, là. Fait que, tu sais, c'est rendu un stéréotype, là. C'est rendu que le monde y croit. C'est... Les Arabes, les Russes pis les Coréens. C'est comme, tu veux le grand méchant loup, tu sais, comme... Ouais. Moi, si tu veux faire quelque chose de vraiment ridicule, là, tu fais une histoire qu'il y a une entité ultra-terroriste qui ont fusionné les trois ensemble pour faire un clone qui est un arabe islamique musulman russe. Là, j'ai dit trois fois la même affaire. Quel qui manquait? Coréen, oui. Ah, OK. Un coréen islamique russe. Là, t'as tous les Américains qui sont comme... Faites un mur! Ah, Mexicain en plus. Quoique les Mexicains, ils ont... Élevé au Mexique. Ils présentent comme des pauvres puis des zombies. En tout cas. Oh là là! Ouais. Heureusement qu'il y a des événements cool à Montréal pour nous rappeler que ça va bien dans le monde. Il y a des gens qui sont contents et qui ont le sourire et qui aiment faire des jeux ou jouer à des jeux cool en buvant du thé et en mangeant des biscuits. Ça a l'air vraiment cool comme événement. Les jeux dans la liste sont vraiment chouettes. Puis non, ça a l'air vraiment cool. Et j'ai déjà dit le 24 novembre. Oui, le 24. Ouais. Fait que le mois de novembre, les grommes, back-à-back bien rempli. Puis même, je dis le mois de novembre, mais le mois d'octobre jusqu'à Gamerella est rempli d'ateliers. Ouais. Fait que, guys, lâchez les jeux vidéo. Fuck votre vie sociale. Faites des jeux. Puis allez voir des jeux. Bon. Yes. Cool, ça. Ah, puis il y a l'événement de l'Halloween aussi qui s'en vient. Ça, c'est bientôt. C'est dans une semaine. De quoi l'événement? Ah, ok, tu veux juste dire l'Halloween? L'Halloween, okay. Lui-même. Oui. C'est un autre événement, ça. Ça, vous avez probablement des parties dans plus organisées, mais j'en fuck les parties, là. Il y a des jeux vidéo qui doivent être faits. C'est comme... aller faire des parties, aller passer l'Halloween, puis genre... Il y a des jeux vidéo qui doivent être faits. Si vous ne les faites pas, ils ne seront ils pas seront faits. Pas fait. Ils ne se feront pas tout seuls, ces jeux vidéo-là. Yes. Puis toi, Anne-Marie, tu as joué à un jeu vidéo d'Halloween. Ben, pas tant, là, mais comme ça donnait là, que je jouais à un jeu vidéo, puis c'est spooky. Ça s'appelle... Ben, ça parle de mort, là. Ça, le but, c'est pas que ce soit spooky, là, mais c'est dead positive. Donc, quelque chose de... Voilà. De positif ben, face à la mort. C'est le truc le plus Halloween-esque qu'on a réussi à trouver dans notre liste quand on a réalisé 4 minutes avant le début de l'émission que c'était notre émission spéciale d'Halloween. Exactement. Puis yeah. J'essaie de trouver le nom de la fille qui l'a fait... Ça parle de la mort, donc c'est spooky d'Halloween. Oui. Mais c'est un jeu quand même sérieux, me semble. Ah, sans doute. Oui, c'est ça, c'est un jeu vraiment sérieux, Mortician's Tale, dans le fond. C'est pas un jeu d'horreur, là. Non, pas du tout. C'est littéralement l'histoire de quelqu'un qui est thanatologue puis qui t'explique son travail. C'est vraiment juste ça. Donc le jeu... Mais qui t'explique ton travail. Je veux dire, le jeu t'apprend à être thanatologue, oui. Qu'est-ce qu'un thanatologue? Ben, un thanatologue, c'est un croque-mort, hein? Ah! Ah! Je le savais. Okay. Je posais la question pour les gens dans le chat. Gabriel D'Arienzo, c'est ça que je cherchais. Fait que oui, c'est ça, un Mortician Steel. Mais je pense que justement, Gabriel D'Arienzo est vraiment thanatologue. Ça se peut-tu? Là, je cherche ces infos. Mais je pense que c'est justement comme la fille qui a fait le jeu, c'est justement comme son travail. Puis dans le fond, elle explique un peu c'est quoi la vie de thanatologue. Puis fait que c'est juste un tout petit jeu d'aventure. C'est tout simple. Ça se joue en peut-être une heure. Puis dans le fond, tu commences ton nouveau travail comme thanatologue. Puis genre, tu rentres dans ton espèce de petit... je sais pas si on peut appeler ça un labo. Ben, dans la morgue, en fait, ouais, on doit appeler ça la morgue. Ouais. Tu rentres dans la morgue le matin, tu lis tes courriels de ton nouvel employeur, puis tu dis, bon, ben, pour aujourd'hui, on va commencer, ça va être simple. Ça, c'est la famille a refusé l'embaumement, donc faut juste que tu nettoies le corps, puis après ça, on procède à l'exposition avec un cercueil fermé. Fait que là, ouais, tu commences, puis tu fais... Fait que t'as comme des petites activités à faire pour préparer les corps, embaumer les corps. Des fois, c'est de la crémation. Puis après ça, t'as tout le temps une session où t'es dans le salon avec la famille. Il faut que t'ailles, genre, donner tes condoléances à la famille, etc. Puis après ça, ben, une autre journée, un autre cadavre. Puis c'est ça. Puis il y a comme une petite histoire qui se tisse à travers tout ça. De l'endroit où tu travailles qui est comme un petit centre funéraire familial qui se fait avaler par une grosse corporation de centres funéraires comme c'est un peu le cas en ce moment. Fait que ça explique vraiment c'est quoi le c'était c'est quoi la job. Il y avait une émission, c'était ça? 6 pieds sous terre? Oui, j'ai jamais écouté. 6 feet under? Il me semble que c'était ça la prémisse aussi. C'était oui, comme c'était des thanatologues? C'était une famille... Non, je pense qu'il refusait de se faire acheter, quelque chose comme ça. Ah, ça se peut. Ah, je savais pas que c'était ça l'histoire. Je sais que c'était, ça se passait dans une morgue. Je l'ai pas vraiment écouté. Genre, toute ma famille l'écoutait, mais moi, je trouvais ça trop triste. Ah. Ben, c'était pas... Mais c'est sûr, c'est pas... C'est bizarre. Tu sais, chaque émission, ça commençait, tu voyais une scène, c'était pas les personnages, c'était comme une scène de la vie courante, puis tu voyais quelqu'un qui meurt. Ah, j'avoue, hein. Tout le temps. Ah, puis le but, c'était comme, c'était un peu comme tu disais, c'était d'essayer de te montrer que genre, ben gars, ça arrive à tout le monde, c'est normal, on n'a pas besoin d'avoir peur, parce que genre, ça fait partie de la game. J'allais dire c'est la vie, mais littéralement, non, ce n'est pas ça. Mais le jeu est un peu comme ça, parce que quand tu vas dans le salon, ben il y a la famille, puis c'est tout le temps comme, ils ont toutes des petites bulles de dialogue quand tu te promènes à travers les gens pour dire « Ah, tu sais, il est parti trop vite » ou « Je me rappelle quand on faisait ça ensemble » ou tu sais, des trucs comme ça pour te faire vivre un peu le... Comme c'est quoi se promener dans un salon funéraire quand c'est quelqu'un que tu connais pas aussi, mais c'est ton travail, là, ouais, c'est ça. Fait que... Quand t'as pas d'attachement ou d'émotion, là. Ouais, c'est ça, mais c'est comme... C'est triste pareil. Hein. Mm. Fait que c'est... Non, c'est vraiment intéressant. C'est sûr, ben, c'est ça, je mettrais un content warning, là, comme ça parle de mort, puis il y a du monde mort, là. Comme t'embaumes du monde mort. Mais c'est vraiment pas réaliste comme... C'est très cartoon, là, comme dessin, là. En étant pas super coloré, puis tout, là. Mais, tu sais, c'est des dessins... C'est un 2D style tranquille, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est bien ça. c'est pas un style réaliste, là. Mais c'est bien, j'ai trouvé ça... C'est très, très positif, puis c'est une profession qu'on n'entend pas parler non plus, là. Fait que c'est le fun. Mais tu sais, justement, comme point de vue content warning, à un moment donné, il donne comme le choix, genre, d'avoir un... je peux pas dire un patient, là. Tu peux pas bien dire un patient, un client qui est une victime de suicide, ou tu peux faire genre, non, je vais prendre un autre. Tu sais, juste pas dealer avec ça, là. Fait que... Non, le jeu est très respectueux. Puis il y a comme une belle fin. C'est le fun. Puis il y a un peu un message environnemental là, par rapport à tout ça. Ah oui? Comment on traite la mort et tout. Dans quel sens? Ben, comme dans le sens que comme quand la grosse corporation prend le dessus, tout coûte vraiment plus cher. Puis comme ils poussent les gens à genre comme... avoir des grosses funérailles, puis un gros cercueil, puis une grosse urne, puis voilà, c'est ça, pour faire plus d'argent. Puis tu vois que ça respecte pas tout le temps non plus, des fois, la culture de tout le monde. Parce que, mettons, il y a des cultures où, genre, les funérailles doivent se passer à la maison, où est-ce que la personne elle habitait, puis là, ils sont comme « Non, non, mais on peut faire ça au salon, puis on a un service de traiteur, puis tu sais... Puis, ben, c'est, je veux comme pas voler le punch de la fin, là. Mais le punch de la fin, c'est justement, ouais, c'est ça, mais c'est comme une petite notion un peu plus environnementale, là, de genre, justement, comme, t'as-tu vraiment besoin d'avoir le gros cercueil à 8 000$, là, tu sais. Ouais, wow. C'est ça. Ouais. Fait que, non, c'est vraiment intéressant. Puis justement, celle qui a fait le jeu, Gabby D'Arienzo, a fait je rajoute ça au cas où ça vous intéresse comme sujet, a fait le Play Dead podcast. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais c'est un podcast qui parle de la mort dans les jeux vidéo. Puis c'est elle qui le host, puis elle invite des gens qui ont fait d'autres jeux qui touchent peut-être un peu plus au sujet de la mort ou genre juste à parler comme de la mort dans les jeux vidéo, qu'est-ce que ça signifie, puis comment c'est représenté, etc. Yeah, parce que genre, s'il y a bien un médium où ce qu'on parle tout le temps d'être mort, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, là, mais genre, on jouait à Mario, puis c'était comme genre, ah, oh, t'es mort, ah, oh, je suis mort, ah, ouais. Oh, je suis mort, ah, oh, lui, il est mort, ah, oh, j'ai tué l'ennemi, ah, oh, il m'a tué, ah, oh, tué, mort. C'est comme, dans le vocabulaire, là, ça revenait un peu dans la mouche. Mais au final, ça voulait rien dire. C'était oui, pas... c'est ça. On, comme... C'était comme super comme soft. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment intéressant, là. Comme justement, notre perception face justement au langage qu'on utilise, etc. Puis, j'ai découvert parce qu'elle avait fait une entrevue avec le gars qui a fait Doki Doki Literature Club, que la mort est comme vraiment importante dans ce jeu-là. Là, dans ma liste à écouter, j'ai aussi l'entrevue avec la personne qui a fait Oxenfree. Parce que c'est un jeu dans lequel... Je sais pas si tu te rappelles Oxenfree. J'ai pas joué, mais j'aime beaucoup la soundtrack. Oui, mais dans ce jeu-là, comme c'est genre une gang de jeunes qui retournent sur une île où est-ce qu'ils passent tout le temps leurs vacances, sauf que là où le jeu se passe, c'est la première année que ton frère est mort puis que vous retournez sur l'île depuis ce temps-là. Fait que comme, tu sais, ça fait pas partie comme... C'est pas comme le gros focus de l'histoire, mais c'est quand même un aspect de l'histoire. Fait que voilà, c'est super intéressant. Fait que c'est ça. Joué à ça. Fait que ça m'a fait googler comment on fait pour devenir thanatologue, puis ça me tente pas de devoir dealer avec des clients puis des salons, fait que fuck off. Je veux pas changer de carrière tout de suite. Non, non. T'es sûr? Moi, si j'avais juste embaumé du monde, je serais moins mal à l'aise, là. De devoir dealer avec les clients, c'est genre tous les jobs qu'il y avait, il faut absolument que tu deals avec les clients puis que tu bookes des affaires. Je suis genre, ah, fuck off. Moi, je veux juste travailler dans un labo avec des cadavres. Fait que là, tu travailles avec des bactéries. Non, plus maintenant. Je fais plus ça maintenant. Non, depuis que j'ai changé de travail. C'est pas grave, j'ai des morceaux d'animaux. J'allais dire des bactéries, il y en a sûrement qui meurent. Ah oui. Ah, moi, j'ai fabriqué un piège à mouches pour mettre dans la cuisine parce que là, on a eu plusieurs, dans le bac à compost. Pour les mouches à fruits? Mouches à fruits. Oh my god, je veux savoir si ça marche. Ah mon dieu. Ça va être le segment cuisine pour aujourd'hui. Je veux savoir si ça marche. Moi aussi, j'ai des mouches à fruits en Mongol. Oh mon dieu, mais Anne-Marie. J'ai la solution. C'est tellement easy. Yes. Moi, c'est l'hécatombe en ce moment de mouches dans le piège à mouches. Fuck yeah, c'est quoi? Voici la recette. Au début, je le faisais dans un petit bol avec du saran wrap, mais là, je me suis dit qu'on n'a pas besoin de saran wrap. On peut utiliser quelque chose de réutilisable. Alors, j'ai pris un pot maçon qui avait un couvercle un peu amoché, un peu rouillé. J'ai pogné un clou, j'ai fait « poc ». Et donc, j'ai un pot maçon avec un trou dedans, le couvercle. Okay. Juste un trou? Ben, oui. OK, puis ça marche? Mais il y a juste besoin d'avoir... Ben, tu peux en mettre deux, trois, si tu veux. Là. Faut que ton trou soit assez gros pour qu'il soit capable de rentrer. Là. Fait que c'était comme mettons, 2 millimètres de diamètre, là, mon trou. Bon. OK. Bon, avec un bon clou. Un gros clou. Ben en fait, non, j'ai pogné un tournevis et j'ai juste donné un coup, puis le tournevis a fait ploc au travers du pot maçon. Et là, tu mets du vinaigre. Moi, je mets du vinaigre de vin. Cheap. Okay. Je pense que... Au début, j'avais vu sur Internet, les gens, ils mettaient une goutte de savon à vaisselle, du sucre, du miel. Ouais. J'étais comme... Pas nécessaire. J'ai essayé du miel, puis ça a quand même pas marché, puis j'étais un peu piste. Je fais juste mettre comme... Je couvre le fond de vinaigre balsamique, de vinaigre de vin. OK. That's it. J'en mets le couvercle poussé à côté du bac à compost. Une heure plus tard, il y a 72 mouches là-dedans. Ben voyons donc! On dit tout le temps qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein? Ben ouais, c'est un proverbe. Mais on appelle pas ça des mouches à vinaigre à cause de ça? Je sais pas. On appelle ça des mouches à vinaigre? Pensez que c'est des mouches à fruits, si c'est dans ton compost. Tu peux mettre... Ben, c'est des mouches de décomposition, là. C'est des mouches. C'est des drosophiles, là. C'est... Ouais, c'est ça. Oui, le nom exact, évidemment. Tu peux mettre... Hey, je suis contente de pas travailler avec ça, parce que ça a l'air d'être de la grosse merde. Ben, tu peux mettre des... Comme je disais, tu peux rajouter... Si le vinaigre du sol ne marche pas, mets une petite cuillère de sucre puis un petit peu de... 2-3 gouttes de savon à vaisselle. Là. Je sais pas exactement qu'est-ce que ça fait parce que les mouches, ils rentrent dedans. Là, ils gossent dans le pot un peu. Ils sont comme genre... qu'est-ce que je fais ici? Puis là, ils finissent par tomber dans le truc. Puis là, tes voix gigoter. C'est un peu... Là. C'est le party piscine. Comment j'ai appelé ça l'autre fois? C'est le VIP party. C'est le... Old party de mouche. Le vinegar in piscine. Vinegar in the pool party. Oh my god, je vais essayer ça. Good. Et c'était donc, le segment cuisine. C'est super. Parce qu'avant, on achetait des espèces de trucs qui puaient la mort. puis qui était probablement full pas bon pour la santé, parce que ça, c'était chimique. Ça disait, genre, garder hors de portée des enfants, respirez-le pas trop, utilisez-le dans une pièce bien ventilée. Oh, t'es comme genre, yo, ça va-tu tuer les mouches ou ça va me tuer moi? Ça va te tuer toi. Ça coûtait super cher, c'était genre 10$ pour un affaire que t'en as rien qu'un. Ça marchait pas vraiment. Regarde. Yeah! Non, c'était de la grosse merde, cette affaire-là. Alors que là, genre, la petite soucoupe avec du saran wrap pis 2-3 trous que je faisais avec un crayon pis de savon vaisselle dedans, ça marchait très bien. Là, maintenant, j'ai mon pot réutilisable. Je fais juste comme, à peu près à tous les mois, je fais comme, bon, vous avez assez mijoté les mouches. Bye bye les mouches. Et là, tu remets un peu de vinaigre pis là, tu repars là-dessus. Damn. En fait, tu sais, comme, d'habitude, comme, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ils résistent à l'attrait du vinaigre, alors peut-être qu'il va falloir que j'essaye en mettant d'autres choses. Mais, peut-être qu'à longue, ils ont catché. Peut-être. Mais d'habitude, je les pogne toutes. Mais, c'est ça la beauté de l'affaire, c'est qu'en deux jours, ils ont toutes pognées, là. Puis là, maintenant, on avait une autre éclosion parce qu'on n'a encore pas changé le bac à compost. Puis là, ils ont tous pondu des œufs, puis là, c'est comme le party. Fait que là, ouais, il y a un paquet d'autres, je fais comme, bon, all right, on change le vinaigre, on en remet du neuf, puis hop, deux jours plus tard, un peu de mouche. C'est excellent. C'était donc la fin du... C'est pas le segment bouffe, parce que c'est un peu dégueu. Ouais, c'est ça. C'était le segment mouche. C'est approprié pour l'Halloween. On parle de mort, yes. L'hécatombe de mouche. Mm-hmm. Du bon jus de mouche. Je peux vous raconter aussi que ça fait si tu laisses le piège à mouche avec le vinaigre dedans puis les mouches dedans pendant 2 mois de temps. Holy shit! Pas une bonne idée. Faut voir qui t'a fait ça. Tu peux te changer de changer une fois par mois au moins. Ils ont commencé à faire des bébés, j'imagine. Mais non, ils sont morts. Ah. Ils sont toutes mortes. Ils ont toutes tombé dans le vinaigre. Puis là, ils flottent, là. Ah, je sais pas, ça a viré gélatineux. J'ai fait... Oh, arc! Yeah! Là, j'ai fait... Oh, boy! OK, on va. On va pas attendre trop longtemps la prochaine fois. D'accord. Tu finis par l'oublier. Tu sais, il est là, il est sous le comptoir. Ouais, c'est vrai. Puis là, à un moment donné, tu fais... Ah, il y a plein de nouvelles mouches. Ah, on va ressortir. Il est où le piège à mouches? Oula, c'est quoi ça dans le fond? Ouh, ça passe pas au travers du trou du lavabo. Douteux. Arc! C'est terrible. C'était le segment dégueu Halloweenesque. Maintenant qu'on a perdu tous nos auditeurs. Quelle horreur. Bon, t'as-tu d'autres jeux? Moi, j'ai d'autres jeux. Ben, vas-y. Je suis allé dans un café board game l'autre jour. What? Puis, j'ai joué à des nouvelles affaires. Chose. Ah, t'as ça déjà tout fait la liste. Je vois que tes affiches en train de copier. T'es en train de faire la liste. Ouais, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Vikingar. C'était le fun. Gare comme. Il y a comme Viking avec un AR à la fin. Dans un seul mot. Ok, c'est pas comme l'endroit où tu prends le train. Non, ce n'est pas une gare de Viking. Ah, c'est genre. Vikingar. Oui, tout d'un c'est mot. Ça. Puis le but de Vikingar, c'est d'être le premier à trouver le Valhalla. Ah. Pour pouvoir commencer à chercher le Valhalla, faut que tu aies fait des exploits. Parce que sinon, la porte va rester fermée parce que t'es poche. Mm-hmm. Fait que... J'ai fait tout appris comme... ça en écoutant le donjon de Nalbuck. Fait qu'évidemment, je suis un expert en matière de Thrall et la porte du Valhalla. Ouais, j'avoue. Voilà. Oh mon Dieu. C'est tellement pas une bonne place pour apprendre ça. J'ai tout appris sur cette mythologie. Mais c'est ça, c'est un board game vraiment classique, là, avec... c'était pas une planche de jeu, ça, c'était intéressant, par exemple. T'as un rond au milieu, qui est genre... la mer. Ouais. Puis après ça, tu places... Fait que t'as plein de plaquettes, puis t'en as plus que le nombre que t'as besoin. Fait que c'est comme random, fait que chaque fois, la map est différente. Fait que t'es places comme les rayons d'un soleil. Tu places des plaquettes. Fait que t'as comme un cercle au milieu. Puis après ça, tu places les autres comme des rayons. Fait qu'au final, t'as un maudit gros cercle. C'est-tu clair? Okay. Sauf que ces rayons-là... C'est jamais très clair quand on l'explique. Ouais, c'est ça. Fait que ces rayons-là, t'es flip aussitôt que t'es déco, puis dans le fond, t'as tes dracars, puis tu te promènes à travers le monde, puis ce que tu fais, ben, c'est piller. Puis te battre contre des villes. Puis tu peux te mettre des campements à certaines villes. Tu peux piller des temples, tu peux piller des villages de pêcheurs, tu peux piller des villes fortifiées. Puis tu peux aller te battre contre des monstres mythiques aussi, parce qu'il était un viking, fait clairement qu'il y a genre un serpent marin mythique à quelque part, puis tu peux aller le péter. Fait que c'est ça. Puis là, t'as comme une plaquette personnelle avec tes listes d'exploits, fait qu'il y a comme 8 à 10 affaires peut-être que genre, si t'en fais assez, ça va te donner comme un exploit. Puis tu choisis combien que ça en prend pour comme aller au Valhalla, fait que ça décide un peu de la longueur de la game. Là. Si tu dis genre ok, à 3 exploits pour aller chercher le Valhalla, ou ben genre non, comme ça prend 5 exploits chaque pour aller chercher le Valhalla, ben ça fait que ta game elle va être plus longue. Là. Fait que c'est comme tu veux. Puis c'est ça, non, c'était cool. Là. Puis c'était comme plein d'affaires, genre oui, c'était comme piller des affaires, mais il y avait aussi comme à chaque fois que tu perds un dracard, ben t'avances dans genre. Pour devenir comme un viking badass. C'est un exploit là, d'être genre deathproof. J'ai perdu un dracard. Oh, c'est ça. Ça me prenait, je pense, j'ai perdu 5 dracards. Achievement unlock. C'est ça. Ouais, ben en gros, c'est ça. C'est comme des achievements. Puis c'est genre le premier qui se rend au nombre d'achievements que tu as seté, ben là, il peut aller comme au bout du monde chercher le Valhalla. Fait que c'était bien cool, il y avait quand même une certaine profondeur, il y avait comme, tu sais, on dirait que comme tout le monde cherche ses trucs de son bord, là, mais il y avait du PVP aussi, là. Fait que dans le fond, si t'arrives sur la même case que quelqu'un d'autre, ben t'attaques son dracard, puis tu peux te nuire à tout le monde, là. Fait qu'il y avait quand même un petit aspect compétitif qui était pas juste au niveau de la vitesse d'exécution, mais comme, tu pouvais aussi te battre en viking, là. Pas obligé de juste péter des temples catholiques, tu sais. Fait que c'était bien le fun, c'était bien beau. Puis c'était pas trop compliqué. Ça avait du sens. Puis. J'utilise la ruse. Krom rira de moi et me jettera hors du Valhalla. Cette citation. Baston! C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui, genre, sa référence pour la culture viking, c'est le donjon de Nalbuk. C'est la première fois que j'entends ça. Ben, ça doit être ailleurs aussi, là. Mais j'espère aussi que ça vole pas haut. Valhalla, je suis comme, ah oh, oui, c'est le barbare. C'est que ça vole pas haut. J'ai dit Thrall tantôt, mais il me semble que c'est Krom. Ouais, c'est Krom. Ouais, je me demandais, j'étais là, ah, c'est peut-être un autre personnage, quelque chose, là. Mais bref, puis le deuxième jeu qu'on a joué, ben, c'est vraiment pas une recommandation, malheureusement. Oh. Ouais, ben, j'ai pas trippé, mais comme quand j'ai fouillé, parce que là, je me rappelais plus du nom. Dans le fond, c'est un jeu, c'est comme un escape room, mais en board game. Mm. Mais c'est juste un jeu de cartes, fait que c'est que des cartes. Mais le concept était cool, là. Dans le fond, c'est un deck de cartes qui sont toutes en ordre, puis t'es flip une par une. Fait que t'as comme une histoire qui suit, puis pour être capable de continuer, il faut que tu réussisses l'énigme. Fait qu'à un moment donné, tu vas tomber sur une énigme, puis là, tu vas prendre la carte, puis là, tu vas essayer de la régler. Puis t'as pas le droit de la tourner tant que t'as pas comme réussi. Ben, en fait, tu peux, là, parce que tu peux te tromper, là. Mais ouais, dans le fond, fait que ça change pas grand-chose, parce que tu peux aussi te tromper. Mais puis ça a aucune rejouabilité, là, parce qu'un coup que t'as fait le tour, ben, t'as fait le tour, puis c'est tout, là. Mais c'est juste comme une liste d'énigmes avec des potes pis des trucs. Ouais, c'est ça. Puis il y avait comme une histoire qui lit le tout, parce que tu flippes les cartes une par une, fait qu'ils peuvent faire une histoire qui suit, là. Outre le fait qu'il n'y a pas de rejouabilité, parce que ça, je veux dire, j'imagine que tu peux acheter plusieurs decks, puis où t'as été. Oui, c'est ça, tu les passes, là, puis ouais. Mais bon, ça, on the side, est-ce que le jeu était-tu le fun? Ben, il était pas si hot que ça. Ok. Comme, ben, on les a trouvés vraiment faciles, les énigmes. Oh. Ouais, c'est ça, on s'est vraiment pas tant creusé la tête que ça, mais c'est ça, je pense qu'on était 3 personnes qui étaient habituées de faire des escape rooms ou des jeux. Mais j'ai jamais fait de vrai escape room comme live, mais j'ai fait beaucoup de jeux qui ressemblent à ça, puis j'ai joué Professeur Layton. Oui, je sais, tout le monde m'a dit ça. J'avais oublié de le mettre sur la feuille de route, mais j'en ai fait un autre en fin de semaine. Genre, je me suis fait inviter à la dernière minute. Ma mère a dit ben, je vais te laisser finir sur tes jeux, là, puis je vais embarquer après. OK. Alright, ben ça s'appelle Deckscape. Puis dans le fond, il y a plusieurs comme dans la série Deckscape. Là, celui que j'ai fait, c'est à l'épreuve du temps. Puis c'est ça, en fouillant comme pour essayer de me rappeler du nom, ben il y a de l'air d'en avoir qui sont vraiment bien cotés. Là. Il y a de l'air d'en avoir qui sont meilleurs que ça. Là. Mais lui, c'est vraiment super compact. Là. Fait que c'est pas une grosse boîte, c'est vraiment juste un mini deck. Puis si tu veux le faire refaire à quelqu'un d'autre, ben il faut juste que tu les replaces tout en ordre de numéro, de genre 1 à 80 les cartes. Puis c'est tout. Mais c'est ça, c'était vraiment pas si dur que ça. C'était pas si tricky. On n'a pas comme arrêté, on n'est pas resté pogné, genre. C'est-tu genre... C'est-tu toi qui me disais que t'as genre joué à toutes les Professor Layton? C'était-tu toi qui me disais ça? Il manque ceux de la 3DS. OK, mais t'as joué à... Donc, j'en ai fait comme 3-4, là. Pour quelqu'un qui aime Professor Layton, ce serait-tu comme un jeu cool? Ouais! C'est juste pas si tough que ça. C'est ça qui est arrivé. Ouais, puis comme l'histoire était vraiment boboche aussi. Le professeur Layton, l'histoire était genre... Là, l'histoire était vraiment boboche, puis c'était comme vraiment une excuse pour te mettre devant des puzzles. Ah, ben là... Ouais, c'est peut-être aussi ça qui est un peu triste, là. Tu donnes une liste de 80 puzzles, je veux dire, je vais m'acheter un magazine de puzzles à la place. Je vais aller sur Internet. Ah, mais il y en avait pas 80, là, parce qu'il y avait plein de places, plein de cartes d'explication puis tout, là, fait que... Ah, OK. Ouais, c'est ça. Non, parce que, mettons, Professeur Layton, The Unwound Future, là, c'est genre celui qui a du voyage dans le temps. Là, l'histoire est complètement, genre, t'es flabbergasté au milieu du jeu, t'es flabbergasté à la fin du jeu. C'est genre, what? L'histoire est complètement débile, là, genre. Fait que non, malheureusement, ça compare pas, là. Quelle console, celle-là? Sur la DS. The Unwound Future, c'est mon préféré, là. Unwanted Future? Unwound, c'est... Unwound. Mais tu sais, comme, quand tu recrinques une horloge, ouais, en là, anglais, tu la ça s'appelle. Ouais, c'est ça. En anglais, ça s'appelle to wound a clock. Wound a clock. Je sais pas comment on le prononce, mais c'est la comme le mot blessure. Crinquer. Ouais, c'est ça. Mais comme, fait que c'est le mot pour comme le futur décrinqué. Le futur décrinqué. Ça, c'est la version québécoise. Ouais, c'est ça. Exactement. Professeur Layton et le futur décrinqué. Ouais. Mais non, mais c'est ça l'histoire là-dessus, c'est genre... Avec le doublage québécois, toutes les puzzles ont une réponse! Oh mon Dieu! avec le doigt dans la caméra! C'est vrai! Avis à nos auditeurs qui nous écoutent en podcast audio, désolé, il fallait regarder le vidéo. Ouais. Allez pas ouvrir le vidéo juste pour ça, c'est pas, ça vaut pas la peine. Genre, vous avez rien manqué. Parce que Professeur Layton, il a tendance à pointer dans l'écran, fait que ça fait qu'en perspective, ben, sa main prend le trois quarts de l'écran, puis lui, il est comme en arrière, en tout petit. Fait que c'est ça qu'on fait avec nos caméras. Voilà. C'est quoi les autres? Parce que genre, every puzzle has an answer, mais il y a d'autres citations. Ah oui, il y en a d'autres. Oh my c'est God. Quoi les autres? Aide-moi. Ben, il y a ça aussi quand il se planque, là. Ah, oui. Ça, c'est drôle aussi. Hein. C'est comment qu'il s'appelle son adjoint? Luke? Oui. Ah. Use the force, Luke? Non. Non. Ça, c'est pas Professor Layton qui dit ça. Your sit, the professor... Oh, I love the thrill of a good solution. J'aime ça, le thrill d'une bonne solution. A true gentleman leaves no puzzle unsolved. Oh my God, c'est celui-là qui a gagné le... C'est un sondage! C'est tellement drôle! C'est un sondage sur GameFAQ de genre un paquet de quotes. Puis celle qui a gagné avec 33,78% des voix, c'est « A true gentleman leaves no puzzle unsolved. » Et donc, dans la version québécoise, c'est quoi? C'est « Un bon gars laisse jamais un puzzle en suspens. » Oh, c'est bon, ça! C'est bon. Ah, mais c'est pas toutes des quotes qu'il dit en réussissant un puzzle. Parce qu'il y a une quote que c'est juste « Calm down, Luke. » OK. Ah, puis évidemment, « Speaking of, that reminds me of a puzzle. » Ta-ta-ta! Ta-ta-ta! Ah, puis c'est tout le temps ça, là, genre, tu cliques sur un élément de décor vraiment pas rap, que t'es comme « voir que c'était interactible, cet élément de décor-là. » Le professeur Layton, il arrive. « Ah ben oui, le chandelier. Ça me rappelle l'histoire du puzzle du chandelier. » Puis là, t'es genre « Ah, si. » On n'était pas genre pressé de sauver le monde. Là. Vite, allons sauver le monde. Mais courons après le méchant. Mais les, peux-tu le chandelier, placer là? La manière de placer ces quatre allumettes pour que... Oh, je me rappelle le type, là, ça me chicote, là. Oh. Genre, en déplaçant seulement 3 allumettes, tu vas réussir à sauver la princesse. Oui, c'est ça. Yeah, évidemment qu'on prendra pas right. De ça. Ouais, c'est dans l'univers du récit, dans la fiction, c'est même que tu fais pas des combats, tu tires pas du gun, tu fais pas des combats de sabre laser, tu utilises pas la force, Luc. Tu résous des puzzles. Autrement, c'est la même chose. C'est la même chose. Hey, c'est cool que tu parles de Escape Room. Parce que, comme je disais, j'en ai fait un en fin de semaine et j'aurais complètement oublié de le mettre sur la feuille de route. On est allé... Je me suis fait inviter à la dernière minute parce que c'était pour la fête du chum à ma mère. Ou sa, non, c'est la fille du chum. En tout cas, quelque part, là, maintenant, il y avait une place de libre. Ils ont fait « Ah, tu veux-tu venir? » Je suis comme « Ben, qu'un. » Oui. Alors, on est allé à Escapaz, c'est sur Saint-Laurent, proche de métro, genre Mont-Royal ou Sherbrooke, en tout cas, à peu près au milieu entre les deux. Et donc, l'histoire, c'était on enquêtait sur une secte qui s'appelait quelque chose comme Opus Luminum. Et là, on investiguait dans le bureau de la directrice d'une professeure, quelque chose comme ça, qu'on soupçonne être membre du culte. Et on doit retrouver un artefact mystérieux qui va nous aider à sauver l'humanité. Genre. Bon. Il nous expliquait ça au début. Là. Et là, et on rentre dans la pièce. Et là, on fouille tout le bureau. Puis on découvre... Fait que c'est ça, t'es littéralement dans son bureau, fait que t'as ses étagères, ses armoires. Puis évidemment, c'est un escape room, donc tout est barré avec des cadenas de toutes les couleurs, avec différents... des cadenas à chiffres, des cadenas... Full réaliste. Tout le monde cadenas... a ça dans son bureau. Yeah, right. T'as des cadenas assis, puis à ça, puis... Puis là, ben, je veux pas en dire trop, là. Non, ouais, faut pas. Parce que c'est mon deuxième escape room à vie. Le premier était vraiment cool, mais c'était très comme... C'était beaucoup de puzzles puis de trucs à manipuler. Genre, il y avait des... comme il y avait une radio, il y avait un... il y avait des... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il me semble qu'il y avait, il y avait un téléphone, il y avait, tu sais, comme, il fallait faire des choses, ou rentrer des codes, ou écouter des affaires dans des objets. Fait que c'était très tactile, puis c'était très... C'est très hands-on, genre. Ouais, mais c'était tout dans une pièce avec... l'idée, c'était que t'étais dans... Comment il s'appelait celui-là? C'était un meurtre. Il fallait investiguer sur un meurtre. Un cadavre... Cadavera. L'affaire Cadavera. Ouh. Et c'était... On enquêtait sur la mort de Monsieur Cadavera. J'étais comme... Et lui, il avait choisi son nom. C'est ça. Puis, il meurt tout jeune dans cette famille-là. Je sais pas pourquoi. Puis ça fonctionnait comme clou. C'est-à-dire qu'il fallait trouver... des associations entre des armes, des personnes et des... Des lieux, je me demande. Non, il y avait pas... le lieu, c'était le bureau. Ah, OK. On rentrait, ça, c'était cool. Parce qu'on rentrait, puis là, genre, on voyait le tracé blanc du... Tu sais, comme dans les films... Ah, oui. Le contour blanc du cadavre. De la victime, ouais. Comment il était dans la pièce. Puis il y avait certains objets qui étaient... déposé au sol, puis entouré, là, comme dans les films. Fait que là, c'est comme... On enquêtait le bureau, puis en trouvant les portraits des personnes et les armes, ça nous permettait d'éliminer des combinaisons, puis là, la combinaison qui te restait à la fin, ça, c'était la solution finale. OK. Puis on l'a réussi, là, mais à comme 32 secondes de la fin. Boy, ça devait être stressant, ça. Exactement une heure. Puis une heure, c'est pas long. Non, quand il y a plein d'affaires à checker, là, c'est pas long, une heure. Puis tu sais, je sais pas les autres escape rooms, comment ils fonctionnent, mais escapades sont bien, bien chill. Ils disent au début comme, OK, cette room-là, elle a un taux de succès de genre 32%. Oh, fait OK. Fait n'hésitez pas à demander des indices. Vous avez droit à infini d'indices. OK. Genre, vous pouvez, si vous voulez vous rajouter des règles, parce qu'il y a des gens qui sont comme puristes et qui disent genre non, pas d'indices, ou on se donne droit à juste 3 indices, choses comme ça. Parce que c'est sérieux. Parce que c'est. Ouais, ben il y en a qui sont comme ça, puis il y en a qui sont très bons, qui ont besoin d'un défi additionnel. Ouais, ben. D'un stress, là. C'est ça. Mais est-ce qu'ils passent, ils te le disent au début, je veux appeler, tu sais, ils te donnent un walkie-talkie, puis ils disent moi j'ai une caméra, je vois tout ce que vous faites, j'entends tout ce que vous dites. Mais le walkie-talkie, c'est surtout pour que moi je puisse vous parler, vous répondre. Puis, fait que, appelez-moi autant de fois que vous voulez. Puis, donne un. La première fois, il y avait une horloge dans la pièce. Ça, c'était cool. T'avais une horloge avec le timer. Là, il n'y en avait pas dans cette pièce-ci. Fait qu'il nous appelait à toutes les 15 minutes pour dire le temps qui restait. OK. C'est ça. Cette pièce-là était. Tu sais, elle s'appelle Opus Luminum. C'est la nouvelle, ils font une rotation là, chez Escapades, ils ont 3 pièces. Fait que ils en ont défait une, là, un mois ou deux, puis là, ça, c'était la nouvelle expérience que tu pouvais essayer. Puis là, dans une couple de mois, ils vont défaire un autre, puis faire une rotation comme ça. D'ailleurs, ils nous ont dit, l'affaire Cadavera, si ça vous tente, c'est celle que j'ai parlé, c'est la prochaine qui va être défaite. Fait que c'est la moins chère si vous y allez. Puis, ben, attendez pas trop parce qu'ils vont la défaire. Alors que Opus Luminum est nouvelle, elle va toffer au moins comme un an et demi, 2 ans. OK. C'est ça. Opus Luminum, c'est très basé sur de la lumière. Ben, il y a des objets que tu trouves dans un bureau d'un chercheur. Fait que tu sais, comme il y a comme des petits squelettes de rats, puis de salamandres, puis de trucs comme ça. Il y a des potions, puis il y avait des trucs qu'il fallait sentir. Ça, c'était quand même cool, parce que c'est comme t'ouvrais des bocales, puis là, t'es comme, qu'est-ce que ça sent? Ça pue? Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, genre, à un moment donné, tu découvres d'autres affaires, puis tu fais comme, oh, c'est des indices! Puis là, faut comme faire de quoi avec les odeurs, puis tout ça. Cool, ça. Je veux pas en dire trop, parce que comme il y a des affaires que quand tu découvres, tu fais comme oh my god, c'est trop malade. je vais dire une affaire parce que c'est quelque chose qu'on découvre très tôt dans la pièce. Okay. Mais il y a un passage secret. Oh. Genre que mon frère a découvert. Puis genre, tu sais, il gossait dans quelque chose, puis là, à un moment donné, il fait comme eh! Oh shit! Oh shit! Puis là, on était comme, qu'est-ce qu'il a? Il dit, ça s'ouvre! Hein? Puis là, il rentre, puis il fait, oh mon Dieu, mais il y a plein d'affaires l'autre bord! Ça dort bien cool. Alors, ça, c'était comme le highlight. Puis tu sais, on le découvre assez vite, fait que c'est pas trop un gros spoiler. Puis le gars, il nous le disait au début, il disait genre, madame truc chose, elle aime beaucoup les passages secrets. Ah, OK. Fait que là, j'étais comme, ah, OK. Mais genre, c'est quelque chose de te le faire dire puis de l'anticiper un peu comme ça, puis de genre, le découvrir puis tomber dessus, faire comme, eh? What? Oh, c'est full cool. Fait que tout est rempli de mécanismes secrets, de portes, puis de cadenas, puis de codes, puis de... Nice. Cool. C'est sûr que c'est pas... T'sais, c'est 25$ par personne. Fait que c'est pas cher. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est juste 1 heure. Mais tu sais... Mais c'est unique, pas mal, là. Mais c'est ça. C'est comme... C'est vraiment cool. Tu vas au cinéma, tu prends un popcorn, ça va... Tu vas voir un film 3D, vite en temps, ben t'es rendu à ça, comme 25$. Mm-hmm. Bon, le film, c'est un petit peu plus long, mais ça, c'est bien plus cool! Ben ouais, c'est ça. T'as pas découvert une énigme puis un passage secret. Yeah. Fait que genre... Ah, oh, puis ils font une promo. Ah, ils m'ont envoyé un email l'autre fois. Ils font une promo pour Halloween. Je pense que c'est le 30 puis le 31. Ou c'est peut-être la fin de semaine. Et bref, attendez pas. Allez sur le site de Escapaz. Ça s'écrit avec des Z. Là. C'est genre S-E-Z. K-A-P-A-Z. Puis, donc, allez sur le site, checker. Ils ont une promo moitié prix pour Halloween. Je pense qu'il faut que tu viennes costumer, par exemple. C'est ça le deal. Ah, ouais, ouais, ouais. Pour faire des photos cool. Lunabit te demande, vous étiez combien? Alors, on était... Attends, il y avait moi, ma mère, son chum, la fille de son chum. Il y avait mon frère, puis ma petite sœur. Donc, on était 6. OK. 6, puis cette fois-ci, il nous a manqué peut-être 5 minutes. T'sais, vous étiez vraiment sur le bord? On était vraiment proches. Puis c'est parce qu'on a comme gossé un petit peu trop sur de quoi, puis on aurait juste voulu demander un indice. Tu sais, c'est comme... Si tu gosses plus qu'une couple de minutes, tu sais... Soit tu... Moi, ce que je fais... En fait, ce que j'ai appris à faire, c'est qu'au lieu de dire, genre, peux-tu me donner un indice, tu fais juste demander au gars, est-ce que j'ai tous les morceaux ou je suis en train de perdre mon temps parce que j'ai pas tous les morceaux? C'est genre, ou des fois tu t'en rends compte, tu fais comme, ah, oh, me semble que là, il manque des morceaux, fait qu'on va continuer, puis on risque de trouver les autres morceaux plus tard. Mm-hmm. Il y a des affaires, j'ai juste appelé le gars, puis j'ai fait comme, écoute, je vois ça, j'ai pas envie de perdre mon temps, est-ce que je peux le résoudre maintenant, ou il manque des affaires? Puis là, il dit genre, oui ou non. Je fais, okay. All right, c'est tout ce que je veux savoir. Puis il y a comme, ils mettent des petites, parce qu'il y a des objets qui sont juste de la décoration ou qui font pas partie du puzzle, genre une boîte de panneaux électriques, que c'est littéralement une boîte de panneaux électriques, faut pas que tu joues avec. Puis ça, tout est identifié, ils mettent des petits collants rouges avec un X, ça veut dire, gosse pas avec ça, cet élément-là ne fait pas partie du jeu. Fait que c'est comme, pis t'sais, à un moment donné, il y avait de quoi, pis j'étais comme, on dirait que il devrait avoir une étiquette rouge là-dessus. Je l'ai appelé, j'ai fait. Il dit oui, il est de l'autre bord, tourne-le, tu vas voir. Ah, effectivement. Ah, okay. Je suis comme, ah, je touche pas à ça. Fait que. C'est toujours ça mon problème quand je vais à un escape room. On pense jamais à demander, même quand on a le droit. Ouais. Ben, si tu vois, ça c'était quand même cool parce qu'il nous appelait à toutes les 15 minutes pour nous donner le temps. Ouais, c'est dire sweet. Genre, est-ce que ça va? Ouais. Juste comme. Oui, ça va. Puis là, il a dit, c'est la première fois qu'on me répond aussi chill. D'habitude, les gens sont comme... Ça fait déjà 15 minutes depuis la dernière fois que t'as appelé, oh my God! Ouais. En tout cas, moi, je pense que celui-là, je l'ai préféré. Puis mon frère a aussi dit, genre, ah, lui, il était vraiment plus cool que l'autre. Tu sais, c'est sûr que il y avait un peu plus... Il y avait plus comme de surprise. OK. Fait que t'es comme, oh shit, what? Tu t'attends pas à ça. Puis il y avait comme, tu sais, tu penses avoir tout vu, les éléments, puis là, tu découvres comme d'autres, c'est comme une, j'allais dire une porte, mais pas une vraie porte, là, mais des fois, une vraie porte, mais pas tout le temps. C'est comme qui libère des affaires. Où ils font exprès aussi. Comme il y avait des armoires, puis les armoires sont toutes en vitre avec des cadenas. Puis t'es comme, genre, je peux voir ce qu'il y a dedans. Tu peux pas te rendre. Je peux pas l'ouvrir. Mais elle est en vitre. Fait qu'il y a des affaires que je suis supposé voir. Puis il y a des affaires qui sont clairement, tu sais, comme il y avait des bouteilles avec des étiquettes, avec des codes. Mais il y en avait une que l'étiquette était du mauvais bord. Puis là, t'es comme, genre... Évidemment, ils ont fait exprès pour la placer du mauvais bord. Fait que, tu sais, comme, faut que tu utilises ce que t'as, puis là, faut que tu déduises qu'est-ce qui manque. Ah, des choses comme ça. Fait que, c'était Escapaz, il s'appelait Opus Luminum, il me semble. Opus Luminum. Cool! Justement, J'ai un ami, en fait, qui vient d'ouvrir en fait, je sais pas s'ils sont ouverts for business encore, là, mais ils commencent justement escape room à Québec. Ça va s'appeler le cabaret Mystéris. Donc, si vous cherchez du travail dans le domaine des escape rooms et que vous aimeriez ça faire ça, ben, ils engagent. OK, c'est à Québec. Cabaret Mystéris avec 2 i, je crois. C'est ça, c'est... T'as une part, il y a comme, tu sais, t'as une part business, tu sais, il y a une part game design mm-hmm. où là, il crée les puzzles, puis il faut que tu les testes, puis il faut que tu fasses affaire avec des gens qui sont bons pour tester, puis qui vont te donner des bons commentaires. Puis il faut que tu. Puis là, t'as la partie supervision. T'as la partie comme là, le gars avec qui qu'on parlait, fait que ça c'est comme lui, il est l'autre bord, il a ses caméras, puis il regarde, puis il attend, puis il check où est-ce qu'on est rendu, puis il nous appelle s'il y a des mm-hmm. choses qui, genre, qu'il faut pas faire ou qu'il faut faire. Fait que t'as une job de supervision là-dedans, puis d'être. Faut que tu sois bon pour les relations publiques. Le gars, il était super cool parce que, tu sais, il y avait une partie qui était, tu sais, il était in character. Ouais, c'est ça, il y a des acteurs aussi, hein. Ça, c'est le fun. Fait que ça, c'était quand même cool. Il nous expliquait le contexte, puis il disait genre, je suis allé investiguer dans le bureau, mais je n'ai pas tout trouvé. Peut-être que vous allez être capable de trouver des trucs que je n'ai pas vus. C'est comme, ok, cool. C'est vraiment cool. Quand il donnait des indices, il disait « J'ai cru observer quand je suis allé que blablabla. » Puis tu sais, il donne pas la solution. Tu peux lui demander la solution mm-hmm. si t'es complètement bloqué, mais il va commencer par te donner des indices pour t'amener à le déduire toi-même, parce que c'est ça qui est plus le fun. Puis aussi, l'autre affaire cool, c'est que même quand le temps est fini, il va prendre le temps de te montrer les trucs qui restaient à faire. Ah, oh, c'est le fun, il dit genre, OK, ben ça, regardez, là, la solution, c'était comme ça. Il fallait le mettre de même. Le code était ici. Vous l'aviez presque. Ensuite, là, puis là, tu fais, OK, c'est là qu'on va aller le faire. Puis là, s'il y avait des trucs à activer avec des boutons, ben là, il nous laisse les faire pour comme le finir, mais sans le time pressure. Mais c'était... Oh. Ah, il nous manquait 5 minutes. Ah! Oh! C'était tellement cool. Je vais y retourner. Mais tu pourrais pas refaire le même, par exemple. Non, évidemment, refaire le même, c'est très peu d'intérêt. Ouais, ouais. Cool. Fait que c'était ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre là, pour ce soir? Ben j'ai joué à Super Mario Switch. Super Mario Party Switch. Super Mario. Ah, c'est comme parlant de Switch puis de boutons. Ah. Switch. Oui, Switch. Ouais. Bien, Anne-Marie, regarde, j'ai fait un lien. Ouais. Je suis tout... particulièrement fier de ton lien. Ah non, il est de la chie, mon lien. C'est cool, Mario Party Switch. Oui, c'est cool. Mais j'ai vraiment. Mais tu sais, c'est un Super Mario Party, là. Fait que, mais là, il y a les nouvelles manettes. Fait que, mais ça joue avec juste une manette, là. Fait que. Pour que tu puisses partager la deuxième. Oui, exactement. Puis nous autres, on a deux kits. Fait que, on a pu jouer. Ben, on était trois, en fait, là. C'est quand même cool, ça. Parce que d'habitude, t'achètes une console, puis là, tu veux jouer à deux, t'achètes une manette. Puis les manettes, maintenant, sont toutes 80$. Ouais, elles sont chères. Puis ceux-là aussi, sont chères, là, les manettes de Switch, pour vrai. Yeah. Au moins, pas il est en paquet de deux. Ouais, dans le fond, là. Mais ça dépend, c'est ça. Il y a des jeux que t'as besoin des deux. Puis il y a des jeux comme ça où, genre, si t'as deux manettes, t'as quatre manettes. Fait que ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est quand même vraiment sweet, là. Yeah. Mais ouais, ce qui m'a le plus surpris de Mario Party sur la Switch, c'est qu'il y a un mode co-op. Ah oui? Je veux dire, c'est-tu parce qu'il y a trop d'amitié qui se brise en jouant à Mario Party? Est-ce qu'il y a des amitiés qui se brisent en jouant à Mario Party? Ben oui, c'est full injuste, Mario Party. Injuste? Genre, c'est des lancements de dés pis tout. Là. Genre, c'est pas juste. Là. Des fois, le monde y arrive pis il vole ton étoile pis tu l'avais mérité, ton étoile. Ah oui, mais c'est juste de la luck. Ben, c'est ça. Genre, ah oui, pis Bowser, il fait comme genre, toi, je t'enlève ton point. Toi, je te le donne. Pis là, t'es comme genre, what? Mais pourquoi? Oui, c'est ça, exactement. C'est littéralement le les catch-up mécaniques à toute vitesse. Ouais, ouais, ouais. C'est un jeu pour rager, là. Fait qu'il y a un mode qui est complètement différent, mais que tout le monde va dans la même direction, puis tout le monde s'aide. Il y a quand même des mini-games, mais c'est vraiment différent, c'est vraiment le fun. Tu fais du rafting dans ce mode-là. Fait que t'es rafting. Tout le monde... Ouais, c'est ça. T'es tout le monde dans une grosse embarcation, puis il faut que tu pagaie. Puis là, mettons, t'es quatre. Puis si t'es pas quatre joueurs, ben il va y avoir un NPC qui va prendre l'un de bord puis l'autre, puis il va pagailler tout croche comme un enfoiré. Mais comme... fait que faut-tu pagailles chacun? Fait que les deux à gauche, faut qu'ils pagaillent à gauche, puis les deux à droite, faut qu'ils pagaillent à droite. Mais là, quand tu pagailles, ça fait tourner l'embarcation de l'autre bord. Puis là, ben, faut que tu te promènes dans la rivière. Puis là, il y a des trucs à attraper. Il y a des obstacles. Tourne plus! C'est ça. Arrête! Non! Pagaille! Ouais. Fait que juste ça, c'est le fun. Puis là, il y a des minigames. Puis là, t'as tout le temps des embranchements dans la rivière. Fait que là, c'est à s'ostiner, genre, de quel embranchement qu'on prend. Puis il faut essayer de se rendre au bout. Puis t'es timé. Ah oui, c'est vrai, t'es timé. Fait que c'est ça que t'essaies d'attraper quand tu te promènes, c'est des timers. Pour te donner des secondes de plus. Ouh! Oui! Parce que tes secondes s'épuisent. Puis les minigames aussi, dépendamment combien, comment tu performes dans le minigame, ben, ça donne des secondes de plus. Fait que le but, c'est de se rendre à la fin de la rivière. C'était vraiment cool, par exemple. C'était vraiment super le fun, là. C'est un minigame ou c'est genre un jeu? C'est un mode, genre. OK. Mais bon, c'est sûr, c'est pas le mode que c'est comme un board game, puis tout le monde lance des dés, puis que tout le monde ramasse des étoiles, puis que l'on se fait chier. Genre, oui. Est-ce que genre... Le dernier Mario Party que j'ai joué, c'était probablement genre le 2 ou le 3 Nintendo 64. Fait que t'as manqué toutes les Mario Party avec des motion controls. Je pense que oui. J'ai peut-être joué à un sur GameCube, genre avec le micro. Oh shit! Je suis un ami. Je me souviens plus c'était quoi, mais ouais. Fait que non, je ne connais pas les Mario Party modernes. Ouais. Ah, mais c'est le fun. C'est des minigames. Puis à la fin du minigame, tous ceux qui ont gagné, si c'est plus qu'une personne qui a gagné, mettons, là, si c'est comme un groupe de personnes qui ont gagné, mettons, c'est 2 contre 2 ou 3 contre 1 ou des trucs comme ça, faut que tu tapes dans les mains. Faut que tu fasses un tap là, toute la gang de ceux qui ont gagné. Puis faut que tu fasses le mouvement avec ta Switch pour taper dans les mains de tes confrères et consoeurs. Pis le jeu attend après toi si tu le fais pas. Fait que si tu l'oublies, le jeu est comme... Ou genre, les autres personnages regardent ton personnage parce que tout le monde est prêt pour se taper dans la main pis pas toi. Fait que genre, tout le monde regarde ton personnage genre you. Ouais, c'est juste comme, tu sais, lever le bras pis taper dans la main. Hein. OK, faut pas que tu tapes dans la main tes gens. Non, faut pas que tu le fasses physiquement. Faut juste que tu fasses un move avec ta souffle. Faut que tu lèves ta manette, dans le fond. Genre, okay, yay! Pis là, tout le monde fait yay! Mais là, si, genre, 2 personnes sur 3 étaient prêtes à faire « Yay! » Puis toi, t'étais pas prêt, ben là, ils se revirent puis ils te regardent genre « Yo! » C'est parce qu'on allait, se taper dans les mains. On allait faire « Yay! » C'est ça. À pas faire « Yay! » Tu glandes parce que t'as oublié. Hey. Si tu le fais assez vite, ça donne comme un petit bonus de coin pour tout le monde qui était là pour faire. Ouais, c'est juste cute, là. C'est comme, genre, obligatoire à la fin de chaque minigame. « T'as-tu fait le mandatory yay? » C'est vraiment cool, mais il y a où aussi une nouvelle. T'as oublié? Oh. Il y a une nouvelle couche de stratégie dans le jeu aussi. What? La stratégie dans Mario Party? Oui. Maintenant, chaque personnage a un dé particulier, ooh, unique à lui-même. Fait qu'au lieu que ce soit un dé de 1 à 6 puis que tout le monde lance tout le temps un dé de 1 à 6, là, t'as l'option de quand même lancer le dé de 1 à 6 ou tu peux choisir le dé spécial de ton personnage. Pis là, ça peut être genre, mettons, 001189. Genre les 6 faces, mettons. OK. Ou ça peut être un dé qui, mettons, qui va... C'est ça, qui commence pas fort, mettons, 111, puis après ça, t'as 566, mettons. Fait que si t'as des chances d'avancer juste de 1, mais t'as des chances d'avancer de plus. Y a le dé à Bowser, t'as 2 chances de perdre des sous, pis t'as une chance d'avancer de 10. Fait que c'est plein d'affaires de même. Ouais, c'est ça. Le dé à Daisy, c'est 3-3-3-4-4-4. Fait que ça, à date, je trouve que c'est le dé le plus stratégique parce que tu sais exactement sur quoi tu vas tomber. Là. Le dé à Rosalina peut te donner des sous ou te faire avancer, mais pas tant que ça. Fait que tout le monde, comme toutes les dés ont comme des petits twists comme ça, là, de genre... Genre, haut risque, mais haute récompense, ou genre, peu de risque, puis t'avances tout le temps, comme, un peu. Mais t'es sûr d'avancer, tu sais, tandis que c'est ça. Il y a des deuils avec des faces qui valent vraiment haut, puis avec des zéros. Ou des genre, tu perds des scènes, puis t'avances pas. J'espère qu'ils ont bien balancé. Je suis pas sûr, parce qu'à date, pour vrai, là, Daisy avec 3-3-3-4-4-4, là, à date, c'est le best. Parce que tu sais exactement sur quoi tu tombes. Tu te dis genre, ah, oh, je veux tomber sur telle affaire. C'est ça, fait que tu prends ce dé-là. Ouais, à date, je trouve que c'est vraiment meilleur. Parce que Bowser, ben comme... T'as deux chances de perdre de quoi? Une chance d'avancer de 1. Puis après ça, c'est genre 2. Puis après ça, c'est 9-10, quelque chose de genre. Ou 5-10. Ouais. Il y a beaucoup de bonhommes aussi. Il y a Boo, il y a Shy Guy, il y a Monty Mole, il y a Koopa Troopa. Est-ce qu'il y a Bowsette? Non. Ah là! Parce que le buzz n'était pas sorti encore, je pense. Ouh! Ah! Get on with the meta! Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça va arriver. Ah non, là, Anne-Marie, tu peux pas dire ça. Ah! J'ose-tu dire ça? C'est sûr que t'as raison, mais dis pas ça. Excuse-moi, je suis une horrible personne. T'as bien raison. Mais voilà. Fait que c'était Mario Party. Qu'est-ce qu'il y a pas? Ah oui, il y a un mode qui ressemble vraiment à genre WarioWare. C'est comme un rhythm game, mais c'est tout avec des trucs de mouvement avec ta manette. Puis c'est super rapide. Puis c'est tout le temps genre... go, fais ça, go, ok, on change de jeu, go, c'est super super rapide, ça c'était vraiment vraiment le fun, puis yeah. Genre tout le monde en même temps là. Ouais, non, c'était tout vraiment niaiseux, mais c'était vraiment cool, puis c'était comme en rythme en plus avec la musique genre. Oh shit, ça, ouais, c'est bon, c'est ça. C'était vraiment vraiment le fun, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Oui, oh, il y avait un WarioWare sur GameCube qui était vraiment cool. Ouais? Ouais. Il s'appelait genre... C'était WarioWare... Mega Party... Micro Party Game, quelque chose comme ça. OK. En tout cas, c'est WarioWare sur GameCube. Là. Il y en a rien qu'un. il reprenait les minigames du WarioWare sur Game Boy Advance. Que j'aimais beaucoup à l'époque. C'est vraiment cool comme jeu. Puis il leur donnait des twist parties. Fait qu'il y en avait où il y avait comme... C'était pas juste joue les minigames, c'était comme il y avait une méta autour. Fait qu'il y en avait, c'était comme une patate chaude. Fait que là, tu faut que tu battes le minigame pour passer la patate à quelqu'un d'autre. Puis là, pendant ce temps-là, les autres... Ah oui, il fallait peser sur un piton pour gonfler la balloune pour qu'elle pète d'en face. OK. Fait que là, tout le monde est en train de pomper le plus vite possible pour gonfler la balloune. T'espères qu'elle explose d'en face de celui qui est en train de faire le minigame. Fait que là, il se dépêche. Lui, il faut qu'il se dépêche à faire le minigame pour pas que la balloune pète d'en face puis qu'il puisse passer le spotlight à un autre joueur. Il y en avait un, c'était le jeu te donne des instructions absurdes, genre joue avec tes pieds ou joue sans regarder, genre joue avec les mains dans le dos ou joue la tête à l'envers, tu sais, des défis additionnels pour faire les minigames. Puis le jeu check pas vraiment si tu gagnes ou perds les minigames. C'est les autres qui doivent comme applaudir en pesant sur le piton pour dire si tu as bien fait. Parce que le jeu ne peut pas vérifier que tu as bel et bien suivi les instructions. Fait que les autres regardent et checkent si tu as bien fait les instructions et applaudissent pour t'encourager finalement. Puis je pense que c'est ça. C'est celui qui a le plus d'applaudissements à la fin. Puis là, évidemment, si tu joues avec des joueurs ultra compétitifs qui sont comme genre, moi j'applaudis pas les autres parce que ça va me faire perdre. Je peux pas donner des points aux autres. Ben ah, là, tu peux pas donner des points aux autres, ok. Je suggère que vous changiez d'amis. Que vous jouiez pas avec des gens comme ça. Parce que ces gens-là puent. Voilà, je l'ai dit. C'est dit, ces gens-là puent. Ouais, ça c'était WarioWare au GameCube. C'était vraiment cool. Il y en a eu un sur la Wii. Il était correct, mais il était pas à se pitcher à terre. J'ai celui sur la Wii U, en fait. Ah non, c'est vrai, on l'a plus, on a vendu notre Wii U. C'est vrai. On l'a plus. Mais genre, pour vrai, là, c'était comme un des seuls jeux qui nous retenait de vendre la Wii U. Le WarioWare sur la Wii U? Ouais, parce que c'était le jeu qu'on sortait d'un party. Yeah. Ouais, pour vrai, non, c'était vraiment le fun, là. Il y avait un jeu qui ressemblait beaucoup... C'est-tu Hidden in Plain Sight? C'était comme un jeu d'espion, là. Fait qu'il y avait une personne, la personne avec le gamepad, qui devait... Fait qu'il y avait... Sur l'écran, il y avait un paquet de monde dans une ville, mais la personne sur le gamepad, elle contrôlait une personne, puis il fallait qu'elle fasse des trucs. Puis là, toutes les autres personnes, tout ce qu'ils faisaient, c'est observer l'écran, puis essayer de spotter lequel qui est pas un NPC, puis qui est un vrai joueur, dans le fond. Mm-hmm. Fait que c'était un jeu comme ça. Ça, c'était super le fun, là. Il y avait un jeu où il fallait slingshotter des genres de petits cubes sur des cibles, genre. Puis c'était vraiment niaiseux, il fallait faire plein de points. Puis là, en slingshotant des petits cubes, tu pouvais tasser les petits cubes de la personne qui avait joué avant toi parce qu'il se bumpait dessus quand il tombait. Puis c'était vraiment niaiseux, là, mais genre, en fin de soirée, c'était vraiment le fun. Fait que... c'était quoi l'autre jeu? Il y en avait plein d'autres jeux, mais je sais qu'on jouait comme tout le temps aux quelques même parce que c'était ça le plus fun, là. Je pense qu'il y avait un jeu de danse avec genre la caméra du gamepad qu'il fallait comme tu reproduises des mouvements, là, mais ça, c'était moins le fun que... C'est moins le fun que les autres. Ouais, non, ça, c'était vraiment sweet. Mais pour vrai, celui sur Mario Party, il est quand même vraiment cool. Puis tu sais, comme tes personnages que tu joues sont comme sur une scène, là, puis à la fin, ils couronnent genre le roi de la danse. Ouais. Il y avait de quoi de similaire dans celui sur la Wii. Pour vrai? Ouais. Disons, c'est tout le temps Bowser qui gagnait, fait qu'à la fin, c'est tout le temps Bowser, le roi de la danse. C'était genre fucking trop. Nice. Oh là là. Des mini-games de Switch. Fait que celui-là, il est... Oui. Bon. Ils ouais, faire... pour vrai, c'est le fun. Ils ont-tu fait un WarioWare Switch? WarioWare Gold, il va sortir sur quoi? Il y a WarioWare Gold qui s'en vient, là, à moins qu'il soit sorti. Parce que les WarioWare, là... Ah, il est sur la 3DS, that's why. Le secret, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de minigames dedans. Pour que ça ben, soit c'est ça, le Gold, mais il me semble que le but, c'était d'avoir, genre, toutes les meilleures minigames and shit. Mais il est sur la 3DS, fait que c'est vraiment, tu joues tout seul. Je suis pas sûr que ça joue à plusieurs, là. Mais c'est juste que comme des minigames genre super rapides, là, fait que t'es juste sur ta 3DS pis tout le temps en train de faire des conneries, là, parce qu'il y a des affaires genre souffler dans le micro pis des trucs comme ça, là. Des affaires tactiles pis fait que c'est genre, c'est vraiment super rapide. Yes, moi tu vois, c'est ça mon problème. Celui sur DS, le vieux, celui sur DS, ils l'ont sorti relativement tôt dans la vie du DS, pis qu'il y avait pas tant de minigames dedans. Ah, c'est avant qu'il développe bien ça, peut-être. Compare ça à celui sur Game Boy Advance. Celui sur Game Boy Advance, il y avait plus de minigames. Puis il y avait sorti... Ah oui, t'avais le Game Boy Advance d'origine, le WarioWare. Mais après ça, il y avait sorti WarioWare Twisted, qui était dans une énorme cartouche. OK. Parce qu'elle avait un sensor de gyroscope et un vibration pack dedans. Ouh! Fait que dans la cartouche. Fait que tu jouais au jeu puis tu tiltais ton Game Boy. Puis celui-là, je te jure, il devait avoir 300 minigames dedans. Genre un nombre hallucinant. Puis là, ça c'était juste les minigames du story mode. Puis après ça, t'en knockais des longer games puis plein d'autres affaires. Oh shit. Fait que genre, il y avait tellement de stock dans ce jeu-là. C'était vraiment cool. C'est probablement un des meilleurs. Pour la quantité de contenu. WarioWare Twisted. Puis ça, cool. Tu peux pas le jouer en émulateur parce que c'est de la merde. Non, ouais, c'est ça. Maintenant, tu joues avec un... Avec un vrai, genre... Avec une vraie console. Un vrai device, ouais. Et c'est un des rares... Ouais, c'est ça, je l'avais acheté pour ça parce que c'était trop cool. Cool. Ça sonne vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Il me semble qu'on avait parlé de Mario Party. Il me semble que je voulais dire, ouais. Est-ce qu'on parle de Animal Crossing? Oui! Ah oui! Oui. Tu veux parler? On parle. T'as joué à Animal Crossing, right? Oui, mais sur téléphone. Oui. Moi, j'ai jamais joué à un vrai, en fait. Ah non? Non. Ah. Genre, je sais c'est quoi, là? Je connais le principe, là. J'avais joué à celui au GameCube, puis j'avais joué à celui au DS. Celui au DS, j'ai vraiment beaucoup joué. Parce que justement, vu que c'était portatif, c'était cool. DS ou 3DS? DS. OK, Wild World, je pense, quelque chose genre. J'ai pas eu de 3DS, fait que ça règle le problème. Mon frère et ma sœur avaient le Animal Crossing sur la Wii. Ils ont joué... Sur la Wii? Ouais. Ils ont joué énormément à celui sur la Wii. Ça n'avait pas de bon sens. Et là, ils ont sorti Animal Crossing Pocket Camp, si je me trompe pas. Oui. Sur téléphone. C'est un jeu gratuit avec microtransactions. Mm-hmm. Et c'est Animal Crossing sur votre téléphone. Est-ce que c'est le meilleur jeu du monde? Peut-être pas. Mais à date, j'ai bien du fun. Toi, Anne-Marie, t'as-tu joué beaucoup? J'ai joué un peu. J'ai joué un bout de temps, mais surtout au début. Puis il y avait peut-être moins de contenu que maintenant. Puis j'ai fait le tour vraiment vite. Ouais. Si tu fais... Ouais. Là, je pense que ce qui me garde dans le jeu, c'est les événements. Ouais, OK. Mais ça a du bon sens. Ouais, probablement que je serais revenu pour... Parce que là, en ce moment... Ça, là, mais comme... Sinon, c'est parce que je faisais le tour comme dans ma journée, puis après ça, je savais plus trop quoi faire. Là. Puis j'avais l'impression que c'était tout le temps, genre, aller ramasser des pêches, aller ramasser tous les poissons, hein, tu sais. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Okay, ben, je pense oui. que c'est un peu ça, le jeu, en fait, là. Bon, Animal Crossing, en partant, c'est ça. Genre... Mais comme... Moi, genre, je sais pas. Quand je joue à un jeu, là, c'était pour me faire ramasser, comme... des pommes puis des poissons, puis tu retournes chercher des pommes, puis tu retournes chercher des poissons, puis tu vas chercher des papillons, puis comme faut que t'aies un story qui va me tenir dedans là. OK, ouais, non, Animal Crossing, ouais. J'ai jamais eu d'histoire. Ben Animal oui, là, faut pas que tu rembourses tes dettes. Ouais, ben tu veux rembourser ta dette, fait que I guess que ça c'est une histoire, mais à chaque fois que tu la rembourses, il agrandit ta maison, puis là t'as une plus grosse dette à rembourser. Bon, il y a techniquement un maximum, là, puis il y a des gens qui sont assez crackpot pour avoir atteint le maximum. Puis il y avait des techniques, là, genre, si t'allais visiter des amis, tu pouvais ramasser leurs fruits, puis les ramener chez vous, puis les vendre. Ouh. Puis ils se vendaient 5 fois plus cher que les fruits locaux. Fait que tu voulais aller visiter des amis. C'est la taxe d'importation. Ben, tu faisais plus d'argent en vendant les fruits de tes amis. Donc, les fruits que tu n'avais pas. Fait que, mettons que toi, chez vous, ils poussaient des pommes. Ben là, chez ton ami, il pousse des cerises. Ben là, ah, ramène ses cerises, puis là, tu vas faire plein d'argent. Tu pouvais les vendre comme des fruits exotiques. Puis là, ce que tu peux faire, c'est faire des trous, puis planter des cerises pour faire pousser des arbres à cerises pour avoir plus d'argent localement. Mm. Puis là, c'est ça que je faisais. Genre, je remplaçais tous mes arbres à fruits. Je plantais plein d'arbres à fruits et je remplaçais tous mes arbres à fruits et je les vendais tous. Et donc, damn. Ça, c'était comme ça que je faisais plein d'argent. Malheureusement, on peut pas faire ça dans le nouveau parce que, genre, il y a déjà toutes les sortes de fruits chez vous puis ils se vendent tous le même prix. Puis... Ouais, mais tout le monde pogne les mêmes. Puis c'est pas... Justement, c'est plus... Parce que Animal Crossing, ça, c'était toujours ça. C'était genre, ramasse des trucs, va toutes les vendre à Tom Nook tout le temps. Puis là... Il va te donner de l'argent que tu vas lui redonner pour payer tes dettes. Mm-hmm. Ou pour acheter des shit. Des costumes puis des décorations de maison. Puis là, les autres bonhommes, ils te demandent des fois des décorations puis tu peux leur donner des trucs. Mm-hmm. Puis c'est tout. Là, dans le nouveau, ils ont rajouté des quests. Les bonhommes, ils veulent toutes des affaires. Puis là, ben, c'est ce que t'as dû jouer puis qui, effectivement, devient quand même assez rapide. Répétitif. Ouais, c'est ça. Mais pas tant de choses que ça à faire, je trouvais. Là, ce qui me garde dans le jeu, c'est les événements. C'est, il y a eu l'événement de Pokémon. Il y a eu un événement de Pokémon? Ben, un événement. J'aurais aimé ça, ça. Ça, c'était la semaine passée. Tu pouvais... Il y avait des Pokéballs à terre. Tu pouvais les ramasser, puis les en accumuler pour les échanger pour acheter des items de Pokémon, genre des... J'ai acheté un chandail Eevee, une capuche puis un costume de Eevee. Oh, nice! Un gros tapis Pokéball, une chaise que c'est une Pokéball et un immense toutou Eevee, vraiment absolument immense. Oh! Alors, j'ai tout acheté ça. Et ouais, c'est... Ça, c'est le fun. Puis... Là, en ce moment, ils viennent de commencer l'événement d'Halloween. Fait que c'est un tournoi de pêche, mais tu peux pêcher des poissons qui brillent. Puis, qu'est-ce que ça fait? t'es accumules, puis là, t'essaies d'avoir la longueur la plus élevée. Puis là, faut que j'atteigne genre 9000 mètres de poisson. 9000 mètres de poisson. Ben, à chaque 100 mètres, t'as une récompense. Ou à chaque 500 mètres, t'as une récompense. Puis là, t'as des costumes d'Halloween, puis des chandails citrouilles, puis des affaires de même. Fait que ça, c'est l'événement d'Halloween. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Moi, je voulais parler, Anne-Marie, avec toi, de qu'est-ce que les bonhommes veulent. Ouais. Parce que les quests qu'ils te donnent, t'as dû le remarquer, ils veulent tout le temps les mêmes comme trois affaires. Ouais, c'est ça. Ils veulent des fruits, ils veulent des insectes, ou ils veulent des coquillages. Ou des poissons. Ou des poissons. Quatre affaires. Les poissons, t'en as plein tout le temps. Les insectes, t'en as plein tout le temps. Les fruits, ils poussent partout, il y en a plein partout. Puis des coquillages, t'es trop à terre, il y en a plein. Aucune de ces quests-là qui est particulièrement difficile. Ce que je trouve le plus drôle des fois, c'est que, tu sais, le bonhomme, il est là, puis il dit genre, ah, j'aimerais tant avoir un coquillage. Tu me sauverais la vie si tu me donnais un coquillage. Puis là, tu regardes à terre, puis tu fais comme, dude. Il y en a un, il est juste là. Est juste là. Il est à tes pieds, là. Tu peux te pencher. T'essayes pas. Le ramasser. Mais non. Ah, OK. Moi, le faire pour toi. Tu t'en vas chercher le coquillage, puis là, tu te rends compte que t'en avais déjà genre 12 dans ton inventaire. Tu t'en vas y donner. Puis le bonhomme, là, oh my God, il est tellement content. Ah! Oh, Narf, tu as fait ma journée. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je pourrais rien faire. Tu m'as littéralement enlevé une épine du pied. Tu m'as sauvé la vie. Merci énormément. Tiens, voici tout mon argent. Là, il donne genre 100 coins ou 1000 coins ou des sommes de coins. C'était énorme. Là, t'es comme genre, je t'ai littéralement donné de la cochonnerie qui traîne à terre. Vous me demandez juste des cochonneries, je vous les donne. Ça fait augmenter mon niveau d'amitié avec vous. Et vous me donnez plein de matériel pour crafter des affaires. Puis plein d'argent. Puis j'ai fait le calcul. Parce que j'ai rien que ça à faire. Calcul. Puis j'étais comme, OK, je trouve un coquillage à terre. Je te le donne, tu me donnes 100 coins puis des matériaux. Qu'est-ce que je peux acheter dans l'économie d'Animal Crossing avec 100 coins puis des matériaux? Ben, j'ai regardé. Je peux m'acheter des souliers. OK. Imagine-tu si dans la vraie vie, Anne-Marie, je te demande genre, ah, oh, j'aurais tellement besoin d'une cochonnerie qui traîne à terre. Tu te penches, tu la ramasses pour moi, tu me la donnes, puis je suis comme, ah, oh, merci. Tiens, voilà de quoi t'acheter une paire de souliers. Wow. Donc, en dollars d'aujourd'hui, ce serait quoi? 30-40 piastres? Ben, ça dépend des souliers, mettons. Une paire de souliers pas trop fancy, là. En spécial, peut-être. Ouais. Bon, parce que c'est sûr, il y a des paires de souliers à 1000 coins dans le jeu, là. Mais ça veut dire littéralement 10 affaires que t'as ramassées à terre. Donc, 5 secondes d'effort. Ou 60 secondes d'effort. Ou sinon, il faut que tu reviennes. Que tu reviennes? Ils sont pas là. Ben, il faut que t'arrêtes de jouer puis que tu reviennes plus tard quand les trucs commencent à réapparaître. Ah, oh, mais j'ai jamais besoin de faire ça, mon inventaire. Je suis tout le temps obligé de vendre des affaires tellement j'en ai trop. Ah, mais ça arrive pas des fois que genre, comme l'affaire qu'ils voulaient, ça donne que t'en as plus, puis non? Ça m'est pas encore arrivé après une semaine. Ah, c'est pas pire, ça. En fait, ça, c'est l'affaire, c'est que j'ai aucune idée comment ils font leur argent. Je veux dire, oui, je peux acheter des affaires, puis il y aurait des items exclusifs, mais genre, je m'en fous, là, d'avoir une décoration particulière ou d'avoir... Tu sais, c'est comme... Mais... Fait que, ouais, mais j'imagine qu'il y en a pour qui ça devient important, genre. Puis ils donnent assez de... Le hard cash, c'est des billets verts. C'est ça que t'achètes avec de la vraie argent. Puis ils t'en donnent quand même pas mal. Fait que genre... J'ai pas besoin de faire particulièrement d'efforts, pis j'en ai plein. Fait que ouais. Les bonhommes, ils veulent des affaires qui traînent à terre. Fait que là, je me posais la question hier. J'étais comme... Pis là, c'est pour ça que j'aimerais avoir ton avis. OK. J'essayais de trouver une économie ou une métaphore dans la vraie vie qui expliquerait pourquoi ça fonctionne de même. OK. Donc, on parle de... Tu ramasses de la cochonnerie à terre, tu donnes ça à quelqu'un, puis la personne te donne plein d'affaires. Donc, clairement, ce qu'elle te donne n'a pas de valeur à ses yeux. Fait que c'est peut-être comme comment qu'on appelle ça? Des riches bourgeois ou la gentrification du camping. C'est parce que ouais. C'est comme... Ils veulent du novelty. Ils sont comme genre... Ça me tente pas de me pencher pour ramasser une pomme, mais j'ai envie d'une pomme. Donne-moi une pomme. Puis là, tu te penches s'ils donnent. Puis là, ils sont comme... Tain! V'là plein d'argent. Ça, c'est comme... Les riches, là, qui commandent des trucs de cuisine pour ou toutes les affaires à commander là, qui annoncent dans les podcasts. Là. Tu dois avoir des exemples. Genre des affaires de pour faire de la bouffe ou de... On va te livrer du linge. On va engager un styliste, il va te commander oui. Du linge. Puis là, si t'aimes pas ça, tu vas nous le renvoyer. Des lunettes. Voilà des lunettes. On va t'acheter des lunettes. De la bouffe, là, genre des repas prêts à cuisiner. Plein d'affaires de même. Fait que Animal Crossing, je pense que c'est ça. Puis le jeu te dit que t'es le propriétaire du camping. Ouais, c'est vrai. Mais tu n'es pas le propriétaire du camping. T'as dû remarquer. Le jeu commence, il dit « Ah, bonjour, propriétaire du camping. » Puis ton bonhomme est comme « Hein, quoi? » Fait que genre, t'es un imposteur. T'es un imposteur dans Animal Crossing. Tu n'es pas... le propriétaire du camping, tu te fais passer pour le propriétaire du camping. Pourquoi? Pour rentrer dans ce club de riches qui s'échange des objets n'ayant aucune valeur. Des coquillages puis des papillons. Puis qui te donne wow. Plein d'argent puis d'objets luxueux en échange, mais qui te demande de placer des objets luxueux dans ta maison pour qu'ils acceptent de venir chez vous. C'est vraiment de la gentrification. Vrai. C'est vraiment des bourgeois, des riches bourgeois. C'est genre Marie-Antoinette qui veut des pâtisseries puis des brioches. Ah ouais. C'était ma remarque sur Animal Crossing. Wow. Mais en fait, il y avait une autre affaire aussi qui me tape ses nerfs. Je sais pas, t'as-tu rencontré des bonhommes qui aiment la catégorie sport? Ouais. Ils peuvent-tu se fermer la gueule? Ah ouais, ils sont terribles. Sport? Ils sont tellement terribles. Ils ne font que parler de muscles, de sport, de kung-fu, d'énergie, de sueur. Mais c'est comme les douchebags. J'ai l'impression que c'est voulu, là. Mais c'est comme des petits animaux cute qui en parlent de manière cute. C'est les douchebags du camping, là. Mais ils sont gentils, tu sais, comme ils veulent. Ils sont pas méchants, ils sont pas comme des vrais douchebags. Ouais, ok, non, tu sais, ça. Ouais. Ils sont contents que tu fasses partie de leur gang de douchebags. Ils sont pas illettrés non plus. Ils sont juste comme. Tu leur donnes de quoi, puis ils sont comme. J'espère que ce chandail que tu m'offres est un chandail anti-sueur. Je reviens de mon entraînement de kung-fu, j'ai tellement d'énergie, j'ai envie de grimper un arbre. Ta gueule! Arrête! Mais c'est sûr que les autres catégories, comme c'est un peu. Je sais pas, c'est superficiel aussi, là. Comme la oui. Catégorie cute, c'est superficiel. La catégorie fraîchier. Ouais, ah, oh, c'est vrai. Sont comme genre. Il y a les chill. Le meilleur, c'est les chill. Es-tu fan de moi? Genre, ah, oh, tu veux être dans mon fan club? Je suis comme ta gueule. Ils sont tous de même, ils sont tous terribles. Ta gueule avec tes muscles. Ah, les biceps. C'est un oiseau, t'en as pas de biceps. Merci de m'avoir donné ce poisson. Il est très gros, je vais pouvoir m'en servir comme poids pour me muscler les biceps. Ta gueule! Faut croire. C'est comme si les écrivains, les scénaristes d'Animal Crossing, ils ont comme été chercher le champ lexical entier de musculation et sport. Ils ont essayé de tout mettre le plus possible dans chaque phrase. Ils voulaient pas que ça se répète trop, j'imagine. Mais que ça se répète trop, mais ils arrêtent pas de se répéter quand même. Ouais, non, mais je veux dire, ils ont un lexique étendu au moins, là. Ouais, I guess. Ben, mettons, là, mais ouais. Ça, c'est l'autre affaire. Il me semble que les vieux, les Animal Crossing sur console, les bonhommes, ils se répétaient moins. Mais en même temps, là, ouais, ça, je sais pas. Ils font tout... Ah non, je sais. Ça me donne l'impression que ça devait être quétaine en tabarnouche, le dialogue, dans les vieux Animal Crossing. Là. C'était... Oui, ben oui. Ça doit être quelque chose. Mais c'était varié. Puis les bonhommes, il y avait beaucoup de choses à dire. Genre, hostie qu'il y en avait des choses à dire. Tu pouvais leur parler plein de fois, puis ils se répétaient jamais, genre. Ça, c'était comme... C'était impressionnant, la quantité de dialogue qu'il y avait dans ces jeux-là. Puis tu fais wow. Comme... Où est-ce qu'ils ont mis ça? Il n'y avait pas... Il y avait pas d'histoire. Mais il y avait plein de dialogues. Ben, ils se racontent des affaires, puis tu sais, ils vont patiner au sujet des autres. Oh! C'est sûr, c'est des voisins, c'est vrai. Ah, oh, j'ai vu telle personne, elle avait l'air malade, tu devrais aller la voir. Puis là, tu vas la okay. voir. Puis là, ils sont comme, il est déprimé, puis là, tu lui donnes de quoi, puis là, il est content. Ou pas. C'était plus subtil, je dirais, des anciens animaux. C'était pas comme genre, voici une quest avec les icônes des objets que je veux, puis apporte-moi les là, puis tu vas avoir des points. C'était comme... des fois, tu leur donnais des trucs, puis ils s'en foutaient. Ça faisait rien. Okay. Mais des fois, down the line, à un moment donné, ils te redonnaient quelque chose plus tard. Fallait aussi que tu leur parles pour comprendre c'était quoi leur goût. C'était pas comme écrit genre, j'aime... C'était pas comme écrit... Dans ton catalogue, genre, telle personne aime le sport. C'était comme... Tu y parlais, puis là, fallait non, que tu... le devines. Puis c'était pas écrit tel item est dans la catégorie sport. C'est les... ouais, c'était toi qui le devinais, puis tu le regardais. Okay. Puis tu... Fait que t'avais beaucoup de décès-erreurs. C'était plus comme... C'était quasiment plus comme une simulation qu'un jeu, tu sais, avec des quests. Là. Ouais, OK. Puis il y avait beaucoup d'activités... Il y avait beaucoup d'activités en général. Tu pouvais comme faire... C'est beaucoup de personnalisation. Tu pouvais comme dessiner des constellations dans le ciel. Puis là, quand c'était la nuit, tu voyais tes constellations dans le ciel. Oh, c'est bien. Toutes les affaires que tu collectionnais, tu les amenais dans le musée. Puis là, ça générait le musée. Genre, le musée commençait vide. Puis là, tu meublais le musée avec, avec tous les insectes et les poissons et les... Ah oui, il y avait des... Des fossiles. Ça, c'était cool parce que tu pouvais ramasser... Ah, que tu trouves. Il fallait que tu aies plusieurs fossiles pour faire le squelette au complet. Ça, okay, ça il n'y a pas ça dans celui sur téléphone. Ouais, la dernière fois que je suis allée, il y avait du jardinage qui venait de commencer. Ah, les fleurs? Ouais. Ouais. Ça sent quelque chose, ça? Tu peux collectionner un certain nombre de fleurs de chaque couleur, puis... faire des croisements pour acheter des items rares. OK. Mais c'est pas super bien intégré dans le reste du jeu. C'est comme... Ils ont comme un peu trop fait Animal Crossing, puis à cause de ça, ça marche pas super en free-to-play, puis ça marche pas super en Animal Crossing non plus. C'est un peu comme un... Il me semble qu'il aurait pu améliorer ça un peu puis faire du gameplay plus le fun qui va réellement te garder intéressé puis qui va aussi faire de l'argent parce que là je sais pas si je pense pas que le jeu fasse tant d'argent que ça. Je sais pas pour vrai. C'est vraiment comme facultatif. Fait que je sais pas. Mais à date, bon, ça fait quoi? Une semaine que je joue, puis je joue à tous les jours, des fois plusieurs fois par jour. Ah, parce que tu peux revenir, c'est quoi, aux 6 heures, je pense, que toute sa region, les quests? Pas mal plus vite que ça. Ah ouais, pour vrai? Les poissons pour l'Halloween, c'est à toutes les heures. OK. Les bonhommes, ils changent de terrain à chaque 3 heures, je pense. OK. Ouais, ouais, ça se peut. Assez souvent pour que, genre, tu sais, je joue le matin, je joue un peu le midi, puis je joue le soir. C'est good enough, là. Mm-hmm. Fait qu'on nous demande dans le chat si c'est un genre de Stardew Valley, mais comme, vraiment pas, là. Parce que Stardew Valley, t'as une histoire, tu cultives tes affaires, et... Comme, non, l'Animal Crossing, tu ramasses des gugus puis tu te décores chez vous. C'est un jeu de décoration. Ouais, c'est ça. C'est tellement un jeu de décoration qu'en fait, dans la 3DS, le minigame de décorer ta propre maison, ils ont fait un spin-off puis c'est un jeu à part entière. C'est Animal Crossing Home. Ah! Home quoi? Ah! Home, Home décorer. Designer, quelque chose du genre. Ah ouais. Ouais. Nice. Happy Home Designer. C'est cool. C'est que ça. Tout ce que tu fais, c'est décorer les maisons pour les habitants de la ville. Fait qu'il n'y a plus rien d'autre que ça. Il n'y a pas toutes les autres minigames tout le tour. Puis... C'est un peu bizarre. C'est comme à l'intérieur. C'est... Puis ils le vendaient séparément. Ah, c'est un jeu à part entière. Apparemment que c'est quand même intéressant. J'imagine qu'ils ont rajouté d'autres choses parce que tu peux pas juste enlever des morceaux d'Animal Crossing puis faire que ça marche. Ben, je pense que c'est beaucoup plus complet comme design de d'intérieur, là. Je pense que t'as beaucoup plus d'options puis de trucs que tu peux faire. Puis tu sais, probablement que chaque habitant a genre des demandes super spéciales ou comme tu dis, faut que tu te devines. C'est pas marqué, genre lui, c'est un sportif, mais des affaires de sport, mais genre, faut que tu y parles puis tu devines qu'est-ce qu'il va vouloir avoir dans sa maison, là. Ça doit sûrement être des affaires comme ça. Je pense que t'as des points basés sur comment, genre, tu corresponds bien à ses besoins. Cool. J'avais oublié de dire, mais les vieux Animal Crossing, puis qu'il y a pas, ce qu'il n'y a pas dans le nouveau, c'est le multiplayer. Genre, jouer Animal Crossing avec mon frère. Tu, genre, chacun sur nos DS, puis là, genre, on se promenait dans notre ville ensemble. Genre, tu l'invites ou tu vas chez lui, puis là, tu pouvais mettre des pièges, puis ça, c'était cool. Des pièges? Ouais, tu pouvais planter des graines de trap. Puis là, ça laissait comme une petite craque dans le plancher. Puis là, quand le bonhomme, il marchait dessus, il tombait dans le trou. Puis là, il faisait comme... pendant 2-3 secondes. Puis après ça, il sortait du trou. C'est tout. Ouais. J'entourais sa porte de maison remplie de pièges. Puis là, il était comme... Oh, Francis! T'es tellement un bon voisin! Où on jouait à cachette. On faisait des concours de poissons. Ou de bibitte. Oh. Tu mettais un timer. Tu dis genre, OK, on met un timer. 5 minutes. Celui qui attrape la bibitte qui vaut le plus cher. Go! On partait. C'est un peu du make your own fun. Ouais, c'est ça. C'est clairement si vous autres qui avez fait votre propre fun, là. Fait que j'espère que Nintendo vont continuer à travailler sur le jeu puis l'améliorer puis que ça va être un succès pour eux autres parce que c'est une bonne idée de mettre Animal Crossing sur téléphone. Faut juste qu'ils fassent comme un petit peu plus le fun. Puis ça, ça fait longtemps que j'avais joué puis j'ai l'impression que de la façon que t'en parles, il n'y a pas vraiment de features de plus. Peut-être. Tu peux décorer ton camping car. L'intérieur, ouais. Et l'extérieur. Ah, c'était déjà là, ouais. Mais c'était quand même limité, par exemple. Tu peux acheter du linge, tu peux décorer ton camping, tu peux inviter du monde dans ton camping, les bonhommes, en complétant leur quest. Tu peux manger des biscuits chinois qui ont des objets spéciaux dedans. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est du gacha à 100 000%. Ah, sérieux. Faut que tu les achètes, là. T'en as deux par jour que tu peux acheter avec des coins. Fait que achète-les. Parce qu'ils sont pas très chers. OK. Puis sinon, les autres, il faut que tu les achètes avec du vrai argent. Mm-hmm. Ben, ou tu utilises les billets verts que le jeu te donne en faisant les quests. Ah, OK, ouais. T'en pognes pas de temps que ça, mais ça me des billets verts, peux-tu? Non, c'est ça. C'est le hard cash. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est rendu au mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que j'ai un mot de la fin? Pas vraiment. J'en ai un petit. Vas-y. J'ai joué à un board game cette semaine, ça s'appelle Paper Tale. C'est un jeu de cartes. C'est cool. C'est vraiment pas long. C'est un deck building game. Ish. Tu construis des affaires, puis tu mets des bonhommes devant toi, puis là, ils meurent, puis là, tu les remplaces, puis tu construis des buildings devant toi. C'est pas un deck building game, je me suis trompé. C'est un... Comment t'appelles ça? Comme Seven Wonders, là, où ce que tu as des cartes, ben, tu en choisis une, puis tu passes la main à la suivante, à la personne suivante. Puis là, ton voisin te donne un autre deck, une autre main. Tu gardes une carte, tu passes au suivant, puis là, tu fais ça pour faire le tour de la table. Je sais pas, y a-t-il un nom pour ce style-là? Je sais pas. C'est un drafting game? Peut-être, ouais. En tout cas. Le jeu, c'est de choisir qu'est-ce que tu gardes dans une main, puis là, ben, tu peux juste en garder une. Fait que c'est pas mal cool. Puis la particularité, c'est qu'il y a juste 4 tours. Le jeu, c'est 4 tours. Fait que c'est vraiment pas vite, long. Là? OK. Ouais. Fait que t'es mieux de t'es mieux d'embrayer. Ouais. Ça prend... On jouait à 5 à job, ça prenait à peu près 45 minutes. Pour faire une game. D'abord. Ça prend quand même du temps pour 4 tours. Ouais, c'est 4 longs tours, mais c'est 4 okay. Ouais. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. C'était mon Paper Tale. C'est mon mot de la fin. Comment t'écris ça, Paper Tale? Tale comme histoire. Ah. Tales. Okay. Les récits de papier. Oui. Très cool. Et toi, Anaïs, Non, j'ai-tu un mot de la fin? Je sais pas. J'ai commencé à jouer à Food Fantasy. Je sais pas si c'est un bon mot de la fin. J'arrêtais pas de voir les pubs, j'arrêtais pas de voir du monde autour de moi qui jouait à une espèce de petit jeu de gacha où est-ce que tu collectionnes des gens qui sont aussi de la bouffe. C'est super japonais, super animé. Mais c'est quand même cute pis le fun, là. Fait que j'ai commencé à jouer un peu, là. Mais c'est comme une grosse thématique de bouffe, là. Puis tu summones des esprits de la nourriture. Puis c'est évidemment des jeunes hommes et des jeunes femmes très, très attrayants qui représentent de la bouffe. Génial. Hey. Voilà. Sans plus tarder, parce qu'il est rendu très tard, ouais. On va terminer ce podcast. Si vous avez aimé ça, faites vous abonner. On est sur iTunes et YouTube en podcast. Et on est aussi sur Twitter et Facebook. Allez sur onajusteunevie.ca pour avoir tous les liens. On est distribué en retard par l'entredigeek.net. Ça s'en vient, là. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire par email à info@onajusteunevie.ca. On a aussi le canal Discord dans lequel vous pouvez chatter. Cette semaine, dans le Discord, on a shooté beaucoup de screenshots de Animal Crossing. On a vu que mon bonhomme avait de l'air très stone en buvant du jus. Et on a parlé de rouflaquette. Alors, si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que des rouflaquettes, ouais, vous pouvez aller sur le Discord ça, et suivre cette conversation-là. Ça vient de Animal Crossing. Évidemment. Alors, merci à tous ceux dans le chat qui étaient là tantôt. J'ai vu passer un Alex, un Lunabit. Merci. Ben oui, merci d'être passé. Merci Anne-Marie d'avoir été là. Merci à Narf d'avoir été là, puis à Narf du futur qui fait le montage. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que on a juste une vie. Inbox. C'est encore Human Resource Machine? Ouais. C'est parce que tu peux donner des noms à tes cases pour savoir c'est quoi qu'il y a dedans. puis ma sœur joue avec un trackpad, fait que ça, puis il faut que tu dessines dans la case pour écrire des mots. Fait que... ouais, ça va mieux avec un trackpad. Yeah. Puis j'ai mis une screenshot, genre, moi, toutes mes variables, ça s'appelle tout genre « Yo, maman ». Colin. Puis « pète ». Oh. Okay. Tu sais, genre, get from inbox, add to yo mama, copy to pet, export. La classe. Ah, ben oui.